Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, la radio locale est libre, libre depuis 40 ans. Vous vous rendez compte, elle était libre pendant 40 ans, sans interruption. Cette radio locale est libre, Radio Guimauzo. Alors, l'émission de ce soir, bien, c'est le calendrier des esclavages et des libérations. Alors, au programme de ce soir, bien, ce sera varié. Le calendrier, bien sûr. Clément Viktorovitch Macron prétend s'adresser aux électeurs. Ensuite, EPR, les conséquences d'un fiasco à Flamanville. Niger, la bataille de l'uranium. Et puis, on parlera aussi des élections, du résultat des élections. Voilà. Et puis, une petite revue de presse pour finir. La felicion havis dieci, vivo brilis kiel sun radi, hodiaŭ okazis tragedi, ciam mi trovis helpon del cio pova di, ciu mi perdis gracon nun delli, char cun mi blu ne estas sci, kial sci forlasis min sen antau prepar, venas al mi timoi pri ebla mia erar. Ambau ni amis reciproque cun passi, ecas nun de amo lagoni, temp de priplor cae nostalgi. Kiel povas revoi cindrigi dum moment, scène tourmente. Shainas mi disbattita dalla vente folli, accompagnos min ciemosi profunde amis hierau mi. Tisam facila lude poesi, comencijas gia agoni, tempe de priplor cae nostalgi. Sbattita dalla vente folli, accompagnos min cinemozi profunde amis hierau mi. Le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 25 avril? Eh bien, le 25 avril 1725, par exemple, en Allemagne, la ville de Stuttgart ouvre ses portes aux paysans révoltés. Eh oui, en Allemagne, il y avait des paysans révoltés en 1525, vous rendez compte? Eh oui, en France, il devait y en avoir aussi, hein, et un peu partout. 1871, en France, la Commune de Paris réquisitionne les logements vacants. 1921, Italie, les fascistes incendient la Chambre du Travail à Turin. La classe ouvrière ne réagit que faiblement. 1944, Italie, insurrection à Turin. Les manifestants et les partisans armés chasse les troupes allemandes de la ville après 5 jours de combat, sans que ceux-ci aient eu la possibilité de détruire les usines. 1947, France, chez Renault, 1500 ouvriers débrayent. Des piquets de grève sont installés. 1961, France, suite au putsch des généraux d'Alger. 12 millions de travailleurs font grève contre le fascisme, à l'appel de la CGT, de la FEN, Fédération de l'Éducation Nationale, qui existe encore, qui existait, a été encore, du PC, Parti Communiste, qui existait encore, de la SFIO, qui existait encore, et du PSU, qui lui aussi existait encore, en 1961. Vous voyez, la France était... Ouais, elle a changé depuis, la France, elle a changé. Elle a vieilli, hein, oui. Elle s'est un peu... Avachi, eh oui. 1972, Grèce. Malgré la loi martiale, les 1300 étudiants de l'école des mécaniciens d'Athènes déclenchent une grève illimitée. 1973, Espagne. La magistrature du travail émet un jugement favorable aux ouvriers de l'entreprise Motor Ibérica à Pamplune concernant le paiement qui leur était dû. Mais l'entreprise ne payera pas. 1974, Portugal. L'armée et la gauche renversent le dictateur Salazar. Les aspirations profondes d'un peuple opprimé depuis 48 ans. 48 ans, ils ont été opprimés, les Portugais. Attention, attention. Quand on vote, il faut faire très très attention parce que les conséquences peuvent être très graves et graves longtemps. Graves longtemps. Ah oui, ah oui.

une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Regard ce soir avec vous, Clément, sur le discours d'Emmanuel Macron, le président sortant. C'est que s'il désire l'emporter face à Marine Le Pen le 24 avril, il devra parvenir à convaincre les électeurs de gauche de voter pour lui. Mais voilà, selon vous, les signaux qu'il leur envoie en ce moment sont des concessions en trompe-l'œil. Nous le savons, ce sont les électeurs de gauche et singulièrement ceux de Jean-Luc Mélenchon qui seront la clé du second tour. Emmanuel Macron s'emploie donc depuis le début de la semaine à s'adresser à eux. Il l'a notamment fait ce matin sur France 2. Dans les quatre vérités, le président sortant est revenu sur ses ambitions en matière de transition écologique. Je souhaite intensifier le rythme là-dessus. Je souhaite regarder aussi ce qui venant d'autres propositions va nous permettre de clarifier cette ligne avec une planification écologique qui pourra mettre, si je puis dire, année après année, ses objectifs. C'est ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense que la méthode est bonne. La planification écologique, le mot est lancé, vous l'avez entendu. C'est bien évidemment le concept phare de Jean-Luc Mélenchon, celui qu'il a martelé et popularisé depuis des années. Une manière pour le président sortant de s'adresser directement à ses électeurs. Mais attention, il a repris le concept, c'est vrai, mais sans lui attacher le moindre engagement précis pour assurer sa mise en œuvre. Pour l'instant, nous restons dans le seul domaine du discours. Est-ce que c'est le seul concept emprunté à Jean-Luc Mélenchon par Emmanuel Macron ? Non, ce matin, on a retrouvé exactement le même procédé quand le président sortant a évoqué, tiens, une réforme des institutions. Pouvoir mettre en place une commission transpartisane avec toutes les sensibilités politiques qui puisse ensuite soumettre aux deux assemblées une proposition de réforme de notre Constitution pour précisément la rénover et l'améliorer. Avoir, par exemple, plus de proportionnel, un système de responsabilité politique mieux établi, redonner de la force à la souveraineté populaire. Si c'était mon programme, je l'aurais écrit, je ne l'aurais pas juste dit là. Ce que je vous livre là, c'est une réflexion. Réforme des institutions, scrutin proportionnel, responsabilité des élus, souveraineté populaire, autant de concepts qu'il a encore, ne peuvent que parler aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui plaidait pour un approfondissement de la démocratie via la réunion d'une constituante. Mais à nouveau, nous restons ici dans le seul ordre du discours. Emmanuel Macron évoque une commission transpartisane, il fait part d'une réflexion, mais concrètement, il ne prend aucun engagement. Le discours ne se fait jamais plus précis. Non, jamais beaucoup plus en tout cas. Tout ce qu'Emmanuel Macron évoque, c'est sa volonté floue de travailler avec d'autres sensibilités. De toute façon, pour pouvoir rassembler et avancer, il faudra prendre en compte toutes ces sensibilités, rassembler des forces politiques qui ne pensent pas totalement comme moi. Je pense qu'il faut cheminer avec des gens qui ont des sensibilités, des convictions différentes. Je pense qu'il faut inventer quelque chose de nouveau. Je pense qu'il faut de la clarté. Prendre en compte les sensibilités, rassembler, avancer, cheminer, inventer même quelque chose de nouveau. Vous voyez que contrairement à ce qu'il revendique, nous sommes bien dans l'antithèse de la clarté. Toute cette méthode dont se gargarise Emmanuel Macron n'est pour lors constituée que d'une suite de concepts mobilisateurs, des mots très sympathiques, c'est vrai, mais qui n'ont pas le moindre contenu précis. Dans sa volonté de s'ouvrir aux électeurs qui n'ont pas voté pour lui au premier tour, le président sortant est pour l'instant aussi généreux en mots qu'il reste avare en actes. Et cette ambiguïté, est-ce qu'elle cache une volonté de statu quo sur son programme ? Oui, pour l'instant, c'est ce qu'il me semble, et cela s'est vu en particulier sur la réforme des retraites. Écoutez ce que Emmanuel Macron a accepté de concéder sur ce dossier ô combien épineux. D'abord, on va concerter, ensuite, on va aller au vote, Et ensuite, à partir de 2023, il y aura 4 mois de décalage pour financer le début de ces progrès sociaux. 4 mois l'année d'après. Ce qui veut dire qu'on arrivera autour de 64 ans en 2027-2028. Et ensuite, on discute. Je dis, il faut qu'il y ait une clause de revoyure. Alors, c'est ça, ouvrir un projet. Est-ce que ça retranche quelque ambition réformatrice sur les 5 ans qui viennent? Non. Alors là, il faut brancher le décodeur. Hein. Emmanuel Macron dit qu'il va concerter avant d'aller au vote. Bah, c'est formidable. Mais immédiatement ensuite, il nous annonce 4 mois de report de l'âge légal de départ à la retraite tous les ans. À quoi bon concerter alors si le résultat est connu d'avance? Le seul geste, c'est cette clause de revoyure après 64 ans. Et bah, cela veut simplement dire qu'il y aura une autre concertation avant de passer à 65 ans. La conclusion de l'explication est d'ailleurs limpide. Emmanuel Macron veut ouvrir son projet, mais sans retrancher quelque ambition réformatrice. On peut discuter, mais ça ne changera rien. Tout ceci n'a, je crois, rien d'anodin. Si Emmanuel Macron désire pouvoir compter sur les voix de gauche face à Marine Le Pen, il n'est pas sûr que cette fois-ci, les grandes déclarations suffisent. Or, pour l'instant, il n'a pas fait le début du commencement d'une véritable concession. Entre les lignes, c'était Clément Viktorovitch. La facture de l'EPR de Flamanville s'alourdit encore, Nicolas Dose. EDF annonce que la réparation de soudure du réacteur nucléaire va coûter 1,5 milliard d'euros supplémentaires. Bon, d'abord, ça fait un peu cher pour des soudures. Oui. On en est où aujourd'hui sur cette EPR? Un peu plus de 12 milliards d'euros. Au départ, ça devait être 3,5 milliards. On est presque à 4 fois la facture. Au départ, c'était livré en 2012. Maintenant, ce sera au mieux fin 2022, 10 ans de retard. C'est pareil en Finlande. Et chez les Anglais à Hinkley Point, on prend exactement le même chemin. Pourquoi un tel fiasco? On fait l'EPR. L'idée, elle naît en 92. On est 6 ans après Tchernobyl. AREVA et l'allemand Siemens imaginent une nouvelle technologie. Bon, Siemens va prendre le large assez vite. Ils ont eu du nez. Puis l'État va finir par donner les clés du nucléaire français à EDF. Et là, on se dit que les Français vont devenir les meilleurs au monde sur la technologie nucléaire et qu'on va la vendre au monde entier. C'est pas ce qui s'est produit. On voit bien qu'à l'arrivée, il y a eu des technique à répétition, et cette histoire d'EPR avec les retards est devenue un véritable boulet financier pour le bilan d'EDF qui porte le projet désormais. On va où avec cette histoire d'EPR? Ça va s'alourdir encore? Et personne ne sait. 10 ans de retard, la facture multipliée par 4. Souvenez-vous, 2016, le directeur financier d'EDF claque la porte, il démissionne. Il démissionne notamment parce qu'on va lancer un nouvel EPR, Hinkley Point, en Grande-Bretagne. Il dit trop, c'est trop. Enfin, qui parierait 60 à 70% de son patrimoine sur une technologie dont on ne sait pas si elle fonctionne? Et devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée, Thomas Piquemal, c'est son nom à l'époque, dit qu'EDF pourrait bien finir comme Areva. Et il est clair qu'aujourd'hui, l'EPR, c'est un fiasco commercial. C'est un fiasco technique. La réalité, c'est qu'en France, on ne sait plus fabriquer des centrales nucléaires, contrairement aux Chinois, qui actuellement ont deux EPR qui fonctionnent. Alors, on devrait avoir un peu plus de détails fin octobre. Jean-Martin Folz, ancien patron de PSA, va remettre à Bruno Le Maire un audit complet sur Flamanville et l'EPR pour véritablement commencer à comprendre ce qui se passe là-bas. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprise. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Cela fait 3 heures que nous attendons. Enfin, les pick-up de la gendarmerie nigérienne arrivent. Juste le temps de sauter dans la voiture, notre convoi peut partir. Nous sommes au Niger. Au bout de cette route, Arlit. La ville où Areva exploite les mines d'uranium. Sur les 400 derniers kilomètres du parcours, une escorte militaire est obligatoire. Interdiction absolue de filmer, nous travaillons en caméra cachée. Depuis mai 2007, des Touaregs ont pris le maquis. Ils attaquent parfois les convois. Le gouvernement nigérien interdit aux journalistes d'aller à Arlit. Si vous voulez aujourd'hui aller au Niger, au nord Niger, mais vous pouvez y aller. Mais nous, en tant qu'État, on ne peut pas vous accorder cela. Ça veut dire que si on vous prend sur le champ de bataille, c'est comme vous êtes identique à ces gens qui ont pris les armes. Ceux qui veulent mourir n'ont qu'à aller. À cause des rebelles, nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans les mines, les conditions d'exploitation, la pollution. Ce voyage, entre la capitale, Niamey et Arlit, est notre troisième tentative. À 200 km du but, nouveau contrôle à l'entrée de la ville d'Agadez, tout le monde descend. Nous nous sommes fait passer pour les membres d'une organisation humanitaire. Tous nos papiers sont en règle. La police les examine, refuse nos autorisations, saisit nos passeports, nous oblige à faire demi-tour. Nous n'arriverons pas jusqu'à Arlit. Notre couverture nous a servi à une seule chose, éviter la prison. Plus tôt, nous sommes allés dans la région contrôlée par les rebelles Touareg. En passant discrètement par l'Algérie, nous sommes arrivés au cœur du territoire en guerre. Les mines d'uranium sont à quelques dizaines de kilomètres à peine. Nous ne pouvons pas y aller par ce chemin, il est barré par la ligne de front. Dans les pick-up qui nous escortent, des miliciens du MNJ, le mouvement des Nigériens pour la justice. Ils ont accepté d'être filmés sans problème. Nous entrons dans la zone des champs de bataille. Pourquoi ces hommes se sont révoltés? Pourquoi font-ils des embuscades, prennent des otages, menacent les mines? Dès que les voitures s'arrêtent, ils se jettent sur leur radio, à l'affût des stations francophones. Les enfants sont trois enfants. Du Tchad vers la France. Décision à l'instant. Plus d'instructions. Qui la tient sur place à Djamila? Et qui arrive un soir en téléphone, à savoir l'implication des populations autochtones dans la gestion et justement de ces revenus miniers. Nous passons notre première nuit avec eux. Peu à peu, la confiance s'installe. Si les journaux privés ils parlent de nous, des choses, et le lendemain, les propriétaires des journaux ils les trouvent dans les prisons. Donc, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, on n'est pas en liberté de presse chez nous, ici. Et il n'y a aucune, donc c'est interdit même donc, sur les journaux privés, ils vont parler des MNJ ou bien des problèmes qui se passent au nord du Niger. Nous comprenons que faire parler d'eux grâce à des coups d'éclat, c'est un moyen d'exister politiquement. Et faire peser une menace sur Areva et l'approvisionnement de la France en uranium entre dans la même logique. Nous ne voulons pas de l'uranium pour faire une bombe atomique. Nous ne sommes contre personne. Nous voulons simplement partager cette ressource et qu'on sente que notre ressource nous profite en quelque chose, à notre niveau de vie et à la préservation de notre environnement. Le lendemain matin, en attendant l'arrivée des chefs, notre escorte nous emmène sur les lieux d'un massacre qu'aurait perpétré, selon elle, l'armée nigérienne. Devant nous, il y a les chameaux, et à gauche, il y a les corps des 9 personnes tuées sous un petit monticule. Nos guides veulent nous montrer des preuves. Voici la carcasse d'un des chameaux. Ça, c'est les premiers chameaux. Les premiers chameaux sont les gorgés. Le bien le plus précieux des Touareg. D'après eux, celui-ci a été en partie mangé par les soldats. Un peu plus loin, un tas de pierres. Des douilles sur le sol. Sous les cailloux, quelques restes humains. Le gouvernement nigérien massacre notre population pour avoir les mains libres. et pour pouvoir exploiter les richesses minières à son seul profit. Il fait massacrer les gens pour qu'il n'y ait pas de témoins qui puissent le déranger dans cette exploitation. Et tout ce qui peut le déranger, il veut l'éliminer. Impossible pour nous de confirmer ou de démentir ces affirmations. Alors que nous retournons au camp, nous assistons à l'arrivée des chefs de retour de mission. Ce sont les hommes les plus redoutés et recherchés du pays. Avec eux, une grosse centaine de combattants. On nous explique que ce n'est qu'une partie des troupes, qu'ils sont 3500 au total, mais qu'ils doivent rester dispersés par mesure de sécurité. Une dizaine de véhicules, des armes de poing, 4 mitrailleuses lourdes. Une guérilla, pas une armée de conquête. Le chef de la résistance, président du mouvement nigérien pour la justice, Arali Alombo, souhaite nous parler. On déploie quelques tapis, l'instant se veut solennel. Je me bats pour une cause qui touche ma communauté, pour l'avenir de cette. De quelque chose qui touche d'une maladie que nous avons depuis longtemps. Qui touche notre existence dans la région. Soudain, un drôle de bruit dans le ciel. Quelqu'un tire une rafale. L'engin est invisible. C'est un drone, un avion d'observation sans pilote. L'entretien reprend. Depuis 47 ans d'exploitation, il n'y a jamais eu 5 francs. Pour cette population. Quelle exploitation ? Minière. Il y a l'uranium, la Cominax, Somaïr. Donc depuis 47 ans, il n'y a aucun franc qui tombe pour cette communauté de la région. Nous avons demandé 50% de ce pourcentage. Mais peut-être on peut discuter, mais la première des choses que nous demandons, c'était 50% de ce pourcentage. 50% des revenus des mines d'uranium pour améliorer la vie des populations Touareg. C'est sur ce mot d'ordre qu'ils espèrent soulever toute la région. Chef d'état-major, tous les jours, on assiste à des arrivées et des nouveaux recrues. Ceux qui sont expérimentés vont directement dans les groupes d'opération. Ceux qui ne sont pas formés vont dans les compagnies, dans les camps de formation. Deux, l'alignement de les rangs de la colonne. Regardez toujours à gauche. Il faut montrer sa force, impressionner, faire parler de sa cause. Oui, un ennemi envers vous. D'accord. Ok, on vous amène des renforts. Reçu. La démonstration a lieu à 45 km des mines d'uranium. Une distance infranchissable pour ces rebelles, car ces mines sont protégées par l'armée nigérienne, trop puissante pour un combat frontal. Seule tactique possible, le harcèlement. Avancez debout ! Avancez ! Aucun pays du monde ne nous aide. On s'entête nous-mêmes, on fait nous-mêmes auprès de l'armée. On n'a pas eu des aides d'un pays ou quelqu'un qui nous soutient, comme le dit le Niger. C'est leurs propres armes. Et ils vont les voir, les voilà. Le véhicule là, il vient du Niger. Il ne vient pas de la Libye, ni de l'Algérie, ni de la France. Cette arme-là, elle a été saisie à Tazerzeit. Au moment de l'attaque de Tazerzeit, c'est là où on avait pris avec les militaires. C'était 5 véhicules. C'est celui-là, les autres sont en mission. Ça veut dire que toutes vos munitions, toutes vos armes, vous les saisissez sur le terrain ? Sur le terrain, avec l'armée nigérienne. Auprès de l'armée nigérienne, dans ces missions, dans ces postes avancés, nous les attaquons, nous prenons leurs armes, nous faisons des prisonniers, nous faisons des morts. Des prisonniers, il y en avait une trentaine ce jour-là. Pas de grillage ni de mur. Impossible de s'enfuir à pied dans la montagne. Ce sont des militaires de l'armée nigérienne capturés dans une embuscade. Vers 5h20 après la prière de Fajr, qu'on a été attaqué par le mouvement nigérien pour la justice. Donc le combat a duré plus de 5 heures de temps. Par après, l'ennemi était plus fort que prévu. Donc on est obligé, comme on a perdu assez d'éléments, on est obligé de se rendre. Depuis notre passage, ces prisonniers ont été libérés. Mais les rebelles Touareg en ont pris et libéré d'autres. Ils ont même enlevé pendant 48 heures des ingénieurs d'Areva. Jusqu'où les rebelles Touareg du MNJ sont-ils prêts à aller ? Il n'y a pas de bonne guerre, il n'y a pas de belle guerre. Et les sociétés minières, les partenaires, tous les partenaires qui sont intéressés par l'Union vont faire les frais de cette situation de guerre. Donc les sociétés, les usines vont être attaquées, les axes routiers vont être maîtrisés, en tout cas dérangés, parce que nous savons que pour qu'on nous entende ou qu'on nous écoute par rapport à nos revendications futures, il faut qu'on attaque les nerfs économiques qui intéressent et le Niger et les partenaires au développement. Notre séjour s'achève au milieu de ces menaces. Notre premier contact avec la bataille de l'uranium commence par le défi de ces hommes. Et la réaction du gouvernement nigérien est prévisible. On ne négocie pas, on ne discute pas. L'arme à la tempe. Nous ne sommes pas dans une rébellion. Au Niger, c'est des bandits, c'est des individus comme vous et moi qui ont dit non à la loi, qui ont pris des armes contre la République. C'est une insurrection très mal inspirée que rien au préalable ne saurait justifier. Cela fait pourtant près de 40 ans que la pression monte lentement dans cette région du monde. 1972. Ce qui allait devenir plus tard Areva s'appelait alors la Kogema et inaugurait l'exploitation d'Arlite. La France s'extasiait sur ses machines et sa technologie installée dans une région semi-désertique au nord du Niger. La Kogema, associée à des partenaires européens, créait deux compagnies minières, la Somaïr et la Cominac. L'État français était largement majoritaire. L'État nigérien n'était indépendant que depuis une dizaine d'années et n'avait pas les moyens d'investir. Il ne percevait que des dividendes concédés par l'État français. Le Niger, pour la France, c'est un enjeu stratégique. Parce que d'abord, c'est un pays qui, à l'heure actuelle, produit à peu près 8% d'uranium disponible dans le monde. C'est un pays avec lequel la France, pour des raisons historiques, entretient des relations privilégiées. Et donc, c'est un fournisseur qui, je dirais, sur le plan politique, est un fournisseur a priori sûr. Je crois qu'il y a un côté sécurité d'approvisionnement. C'est un pays qui a besoin de vendre son uranium parce que c'est une de ses ressources importantes. Il y en a d'autres au Niger. Et donc, pour la France, c'était en quelque sorte un acteur privilégié et ça tient largement à des raisons historiques. À l'époque, le pétrole était bon marché et le nucléaire faisait peur. Très peur même, après l'accident de Tchernobyl. Mais la France voulait son indépendance énergétique. Il lui fallait de l'uranium. Pour le Niger, c'était une aubaine. Le minerai est encore aujourd'hui sa principale exportation. On n'est pas du tout dans une relation de rapport de force. Ce n'est pas comme ça qu'on imagine un partenariat. Comment imaginer un partenariat à 40 ans, puisqu'on se projette sur les 40 autres années qui vont venir, dans un relationnel de conflit? Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas notre esprit. Quand le prix du pétrole monte, ceux qui font de l'électricité avec du pétrole voient le prix de l'électricité monter fortement. Le gros avantage du nucléaire, c'est qu'il permet, en principe, une stabilité relative des prix de l'électricité, puisque cette électricité est produite avec une technologie qui, en principe, a des coûts maîtrisés par le pays qui fabrique les centrales nucléaires. Alors, il peut y avoir une dérive d'écoute parce que le prix des matériaux augmente, le prix de l'acier augmente, etc., etc. Mais le prix du minerai lui-même ne compte pas beaucoup dans le prix de revient de l'électricité. C'est d'ailleurs un des gros arguments qui avait été invoqué au moment du fameux plan Messmer de 1974, accélération du programme électronucléaire, pour justifier à la fois la stabilité des prix de l'électricité sur le long terme et aussi une indépendance énergétique pour la France. Avec l'envolée du prix du pétrole, beaucoup de pays retrouvent des vertus au nucléaire. Areva, numéro 1 mondial, est désormais montrée en exemple. Elle vend sa technologie à de nouvelles puissances comme la Chine et l'Inde. Et ces pays cherchent à leur tour de l'uranium pour alimenter leurs centrales. Le Niger a de nouveaux clients. Tout le monde gagne au développement du nucléaire. Le Niger a intérêt évidemment à diversifier ses exportations pour des raisons de sécurité et puis faire jouer un petit peu, je dirais, les lois du marché lorsque la demande est forte. En même temps, le Niger sait qu'Areva, c'est un leader mondial dans le domaine du cycle du combustible. Qu'Areva paie rubis sur l'ongle. Donc, je dirais, c'est une politique où il faut être prudent quand même. On ne peut pas se passer, je dirais, le Niger ne peut pas se passer totalement d'Areva, et du moins à court terme. Et je dirais que, à court terme, la France et Areva ne peuvent pas vraiment se passer du Niger. C'est dans ce cas-là qu'on trouve toujours un bon compromis. Et ce compromis a été vite trouvé. Quel que soit leur ressentiment respectif, ni le Niger ni Areva ne peuvent se permettre de devenir des ennemis. Nous avons vu, après un bref constat historique, qu'on est exploité, que nos ressources sont mal gérées, qu'il y a quelque part anguille sous roche et il faut apporter un rééquilibrage. C'est cela qui a été fait. Et nous l'avons dit hautement à Areva. Une mission s'est déplacée. Elle a rencontré le gouvernement, je me rappelle, le 1er mars 2007 et nous leur avons dit tout ce que nous pensons. Que plus jamais ça, on n'acceptera plus notre uranium comme les années antérieures. On veut revaloriser le prix de nos matières premières. C'est un choix simple. Et je pense qu'Areva est un partenaire qui nous a compris. Et aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre. Quelques individus d'Areva ont voulu créer une tempête dans un verre d'eau. On les a ramenés à la raison. On a chassé son directeur, on a remis les choses. Et on a dit, monsieur, madame, c'est à prendre ou à laisser. C'est très simple, c'est une équation à une inconnue. Et nous avons réglé le problème comme ça. Niamey, la capitale du Niger. Sur les 13 millions de Nigériens, 800 000 vivent dans cette ville typiquement africaine. C'est dans ce désordre coloré que se décide peut-être l'avenir de l'énergie nucléaire française. Ici, le revenu moyen par habitant est de 300 euros par an, l'un des plus faibles du monde. Alors personne ne conteste l'augmentation du prix du minerai d'uranium imposé à Areva. Ça fait 40 ans que l'uranium est exploité au Niger. Et pendant 40 ans, c'est Areva qui a tiré le maximum du profit, puisqu'on a extrait au Niger 100 000 tonnes d'uranium. Et sur les 100 000 tonnes d'uranium extraites, le Niger n'a bénéficié que de 3 000 tonnes. L'augmentation du prix de l'uranium fait donc du bien au Niger. Mais à qui précisément? Jusqu'à présent, toutes les décisions concernant la répartition des richesses du pays ont été prises ici, dans le sud, mais pas au bénéfice des Touaregs du Nord, là où pourtant se trouvent les mines. Maintenant, les populations locales elles-mêmes, elles n'ont pratiquement rien gagné. Disons, elles ont gagné quelque chose. Elles ont gagné de la poussière, elles ont gagné la radioactivité, il y a eu plus de pollution, plus d'atteintes à l'environnement, donc notamment le pâturage, etc., tout ça. La faune a été beaucoup dégradée, c'est ça que les populations ont eu. Donc il y a eu plus de pauvreté pour la population, plus de ressources pour Areva, un peu pour l'état du Niger, il n'y a rien eu pour les communautés, en tout cas pas grand-chose. Pour poursuivre notre enquête, il est évident qu'il faut aller voir comment sont exploitées ces mines. Mais officiellement, à cause de la rébellion des Touaregs, le gouvernement en interdit l'accès. C'est devenu tellement sensible. On veut empêcher coûte que coûte aux gens de rendre compte de la réalité à travers des images. Et ça, c'est grave. Hein? C'est très grave. Pour moi, c'est très, très grave. Malheureusement, les tournages sont très difficiles là-bas. Hein? Ça, c'est sûr, quoi. Évidemment, c'est lié aussi aux enjeux. Hein? Une bonne information peut réunir tous ceux qui sont en train de, ce qu'ils sont en train de faire. Et malheureusement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est du mensonge, c'est de l'arnaque, c'est le déni des droits des populations, etc. Donc les gens ne veulent pas que ça soit vu. Et maintenant, nous, on ne se décourage pas, on se bat, on utilise toutes sortes de stratagèmes pour trouver au moins un minimum dont on va rendre, qu'on va rendre public pour que les gens soient au courant. Quand on cherche à voir Arlit avec des photos satellites, on obtient une tache un peu plus sombre que le sable à l'orée du désert, où les rues à angle droit font un quadrillage. Des images et des témoignages récents, nous avons fini par en trouver au cours de notre enquête. Ils sont rares, les voici. Quand on arrive de la capitale Niamey au sud, on entre par cette route, barrée par une chaîne. Avant l'arrivée d'Areva, Arlit était un simple point d'eau à la sortie du désert. Aujourd'hui, il y a des magasins, des cafés, des garagistes, des écoles et des services. 80 000 habitants et une seule ressource, l'uranium. On ne vit pas à Arlit pour le plaisir, mais pour y gagner sa vie dans l'une des deux exploitations qui barrent l'horizon à 7 km de la ville. Le bus de 7 h du matin. On travaille ici sous le régime des 3-8. Les mines ne s'arrêtent jamais. Elles n'emploient seulement que 4000 personnes. Mais toute la ville dépend de ses 4000 emplois. À la Cominac, on creuse le minerai dans des galeries. 250 mètres de profondeur, 250 kilomètres de long. Une des plus grandes mines d'uranium sous terre du monde. 2000 tonnes de minerai par an. Kilomètres plus loin, les carrières à ciel ouvert de la Somaïr, la deuxième société minière exploitée par Areva. 1300 tonnes par an arrachées à coups d'explosifs, 1 km de long, 70 mètres de profondeur. Officiellement, l'endroit n'est pas secret. Areva promet même d'ouvrir ses portes à celui qui le lui demande, mais se retranche derrière l'interdiction imposée par le Niger. C'est aujourd'hui l'un des endroits les plus inaccessibles du monde, sauf si on est employé par Areva ou si on a un permis spécial. Et ici, la quasi-totalité du personnel est nigérien, formé sur place. Un des rares Touaregs à parler librement des mines à Arlit s'appelle Al-Mustapha Alassane. Employé d'Areva, il est chargé de la radioprotection à la Somaïr. Avec d'autres salariés des mines, il a créé une petite ONG pour défendre l'environnement et la santé des habitants. Tous ces montagnes que vous voyez ici, ça a été créé par Soumaïr. Donc la première mine, la seconde mine, la troisième carrière plutôt, ainsi de suite jusqu'à Taza. Et l'état blanc que vous voyez ici, c'est l'état du stérile en fait radioactif, les déchets après traitement. Mais sinon, le reste des montagnes, là, c'est de l'hystérile de la découverture, donc ce n'est pas tellement... ça, c'est pas radioactif. Et malheureusement, toutes ces montagnes, et ces dunes, c'est tout ce que les 100 000 tonnes d'uranium nous ont laissé ici. Extraire de l'uranium, cela consiste à concasser d'énormes quantités de pierres. Les traiter à l'acide sulfurique, puis avec de l'eau tirée des nappes phréatiques locales. La partie exploitable, c'est de l'uranate, plus connu sous le nom de yellow cake, le gâteau jaune. Il est enfermé dans ses bidons bleus. C'est sous cette forme qu'il arrivera en Europe. Le reste s'entasse en d'immenses collines, des millions de tonnes laissées à côté des mines. Cette forme d'exploitation soulève aussi de la poussière, beaucoup de poussière. Poussée par un vent fréquent et souvent violent, cette poussière envahit la ville et vole au-delà, sur des dizaines de kilomètres. Et selon le laboratoire indépendant, la CRIRAD, ce n'est pas sans conséquence. Le résidu d'extraction de l'uranium, c'est une boue très fine, très concentrée, qui contient plus de 80% de la radioactivité initiale du minerai, 500 000 becquerels par kilo, avec des éléments radioactifs très radiotoxiques, par ingestion ou par inhalation, et à période très longue. Or, ces boues radioactives, on parle de plus de 20 millions de tonnes à Arlit, sont stockées à l'air libre. Une situation qui, sur le plan de la radioactivité, n'est pas du tout satisfaisante et, dans certains cas, est même carrément inacceptable. Areva exploiterait-elle depuis 40 ans ses mines au Niger en disséminant des poussières radioactives? Son porte-parole pour l'activité minière s'appelle Yves Dufour. Il est géologue de formation et va souvent sur place. Lorsqu'on est en plein désert, la façon la plus correcte, la plus rationnelle pour stocker ces résidus minerais, c'est à l'air libre. Il se trouve que ces résidus minerais, lorsqu'ils sortent de l'usine de traitement, sont très humides, assez liquides. Et lorsqu'on a un produit liquide et humide, il ne s'envole pas au vent. Il sèche très vite. Il suffit de se marcher sur ces résidus. Je l'ai fait, je vais marcher sur les résidus miniers pour voir qu'il y a une croûte épaisse qui se forme au séchage très rapidement. Ce qui fait que les poussières radioactives ne partent pas de cet tas de résidus. Alors, il ne suffit pas de le dire, il suffit de le vérifier. Alors, on l'a vérifié, nous. Le Niger le vérifie. Et on l'a fait vérifier tout récemment par l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est un organisme indépendant, un très gros organisme scientifique dont la réputation internationale n'est plus à démontrer et qui a montré que ces mesures d'environnement respectaient les standards internationaux. Lorsqu'on lit ce rapport, on constate que les choses sont beaucoup plus nuancées que l'affirme Areva. Il ne conclut jamais à l'absence de contamination. Il donne surtout des indications techniques. Ce tableau, par exemple, relève la radioactivité des poussières sur le sol. En vert, les jardins, le sol a été remué, la poussière s'est envolée ou a été enfouie. En rouge, les endroits où elle se dépose, poussée par le vent. La radioactivité y est 20 fois plus élevée. Il n'y a pas que l'air qui est contaminé à Arlit. Tout le matériel utilisé dans les mines est récupéré. Le plus souvent, il a été volé par les habitants pour être recyclé. Les véhicules irradiés à force de manipuler du minerai, les roues, les câbles, les tuyaux, les ferrailles de toutes sortes. En 40 ans d'exploitation, beaucoup de métal s'est disséminé en ville. Il sert à tout, réparer des meubles ou des voitures, faire les charpentes des nouvelles maisons. Il est même parfois transformé en casserole ou en saladier. Et par exemple, si c'est la même chose. Donc ça c'est aussi un con qui a servi à l'usine et qu'on a amené ici. Donc quelqu'un va l'acheter. Soit il va l'amener chez lui ou il va faire une maison. Où il va les mettre dans sa maison et comme ça il aura l'occasion de contaminer ses enfants, rien du tout, et ainsi de suite. 71. Ça fait combien? 71 chocs toutes les 30 secondes. La norme c'est 20. Il y a quelques mois, la CRIRAD a recueilli des échantillons en provenance de ces tuyaux contaminés. Et lorsqu'on va approcher progressivement cet objet, on voit que déjà, même à quelques dizaines de centimètres, on sent le champ de radiation qu'il émet. Et au plus près, au contact, on atteint des niveaux qui sont de l'ordre de 10 fois supérieurs au niveau normal. Et pourtant, on n'a que quelques dizaines de grammes. Donc vous imaginez que lorsqu'il s'agit de l'ensemble de la tuyauterie contaminée, le champ de radiation est encore plus important. Et ce qui est tout à fait anormal, c'est que les personnes qui vont utiliser ces ferrailles vont recevoir à la fois ce rayonnement gamma invisible mais très puissant qui peut créer des lésions cellulaires et induire des cancers, et qu'en plus, ils peuvent, en fonction de ce qu'ils vont faire du tuyau, s'ils le meulent, s'ils le soudent, respirer des poussières radioactives, voire même en ingérer, si par exemple le tuyau est utilisé pour de l'arrosage. Aujourd'hui, Areva empêche les vols de matériel usagé. Mais personne ne connaît la quantité de métal radioactif concentré dans les maisons d'Arlit. L'information qui circule est toujours présentée sous un jour optimiste, d'autant que les effets des irradiations n'apparaissent qu'au bout de plusieurs années. L'immense majorité de la population d'Arlit n'a pas conscience de ce qui la menace. Un des problèmes importants à Arlit, c'est qu'on est en plein désert. Or, pour fournir de l'eau à la population, mais aussi pour le fonctionnement des usines, les filiales d'Areva utilisent de l'eau d'une nappe fossile, c'est-à-dire qui n'est pas renouvelable. À peu près 40% de cette eau est utilisée d'ailleurs pour la production de l'uranium. Ces activités industrielles vont entraîner un accroissement de la contamination en uranium de ces eaux. Et d'ailleurs, les mesures que nous avons faites nous-mêmes, plus les résultats transmis par d'autres laboratoires, montrent que certains des puits ont une contamination en uranium et en radium qui conduit à la fin de l'année à des doses supérieures aux critères de l'Organisation mondiale de la santé. C'est pourquoi nous avons demandé à ce qu'Areva prenne des mesures concrètes pour protéger les nappes phréatiques contre cette radioactivité. Et ce qui est choquant, c'est qu'au lieu de reconnaître cette situation, Areva continue dans ses documents officiels, y compris en 2008, à prétendre que les contrôles chimiques, bactériologiques et radiologiques qu'effectue Areva ne montreraient aucune contamination, ce qui est faux. Les chiffres de l'IRSN confirment la contamination de l'eau. Sur un des puits testés, elle est même du double de celle qui a été constatée lors de la fuite à Tricastin au sud de la France. Mais cette radioactivité, quelle pathologie déclenche-t-elle exactement? C'est la question que nous avons posée à l'association Médecins du Monde. Elle conduisait la dernière mission médicale qui a eu l'autorisation d'aller à Arlit il y a quelques mois. Les risques sanitaires les plus importants, c'est effectivement des dégénérescences malignes pour les os. Il y a beaucoup de tumeurs malignes des os. Il y a la destruction du rein, progressive du rein. C'est pas un cancer, mais ça vaut pas guère mieux, puisque vous êtes condamné après à avoir des dialyses rénales 2 à 3 fois par semaine toute votre vie. Et puis, il y a effectivement aussi, a été décrit, des fibroses pulmonaires, cancérigènes, et des atteintes aussi à la périphérie de ces organes-là, du système lymphatique, des ganglions. Nous avons créé au Niger 2 hôpitaux. Un hôpital minier pour la mine de Somaïr, un hôpital minier pour la mine de Cominac. Lorsqu'on a créé ces mines il y a 40 ans, on s'est fondé sur le statut du mineur français, qui était le statut le plus évolutif en matière sociale dans le monde. Donc voilà pourquoi on a créé des infrastructures sanitaires pour soigner nos mineurs. L'objectif, c'était de soigner nos mineurs, prendre soin de la santé de nos mineurs en plein désert. Autour de la ville minière qui s'est créée à Arlit, ville minière où résident nos collaborateurs, nos mineurs, sont venus s'installer des populations qui ont souhaité se sédentariser. La ville minière qui faisait 20 000 personnes à l'origine est devenue une grande ville de 80 000 personnes. Ces populations n'avaient pas d'infrastructure sanitaire. Et le temps passant, et bien sûr, elles sont venues demander à nos hôpitaux de pouvoir bénéficier des soins dont bénéficiaient nos collaborateurs et leurs familles. Ce que nous avons accepté aujourd'hui, les 2 hôpitaux de Somaïr Cominac soignent toutes les populations d'Arlit et les soignent gratuitement. Ces deux hôpitaux ont la réputation d'être les mieux équipés de tout le Niger. Appareils, personnel médical, tout est payé par Areva. Ce sont aussi les seuls à pouvoir recenser les maladies liées à la mine. L'endroit est fréquenté par toute la population locale dès le moindre bobo. Mais pour les cas plus sérieux, les hôpitaux d'Arlit se sont-ils donné les moyens techniques de dépister et de traiter les maladies que provoque une contamination par radioactivité? Globalement, l'offre de soins n'est pas de niveau hein, à pouvoir prendre en charge ce type de malade. Hein. Vous savez, pour suivre, traiter des malades cancéreux, il faut des plateaux techniques très lourds. Hein. Et ça, c'est peut-être pas tellement la question du médicament, hein, encore que, hein, ça doit se poser, mais je pense que c'est surtout la capacité diagnostique, suivi, voyez, et mise en branle de toutes les thérapeutiques qui vont des antimitotiques au traitement par les rayons et peut-être par encore d'autres choses. Hein, donc, non, ça c'est clair que ça ne peut pas se passer là. Il y a quelques mois, une mission du juriste est venue à Arlit évaluer les compétences et l'indépendance du dépistage médical. Les médecins sont des médecins tout à fait compétents. Il n'en reste pas moins que ce ne sont pas des spécialistes en matière de radioactivité et que bien souvent, ils sont peut-être passés à côté de problèmes sanitaires liés avec la radioactivité qu'ils n'ont pas pu ou su détecter. Par ailleurs, il nous est apparu quand même que ces médecins étant des salariés de l'entreprise, les diagnostics qui pouvaient être posés n'étaient pas toujours forcément peut-être ceux qu'un médecin indépendant aurait posés, car nous avons remarqué que tout au long de l'activité de ces médecins et de ceux qui ont pu exercer sur place, quasiment pas de maladie professionnelle n'a été déclarée. En réalité, deux cas de maladies professionnelles ont été reconnus en près de 40 ans d'exploitation des mines. Si cela reflétait la réalité, Arlit serait un paradis pour la santé publique. Si c'est inexact, cela veut peut-être dire qu'il y a beaucoup de cas de contamination non identifiés. Combien ? Impossible à estimer. Et cette question du nombre de malades qui s'ignorent pourrait prendre une importance considérable dans les années à venir. S'il y a des contaminations et qu'elles sont avérées résultantes d'une contamination radioactive, là, pour le coup, ça va coûter cher à Areva si elle devait indemniser ces personnes de ce fait. Si des cas de maladie étaient identifiés, ce qu'on a proposé, c'est que ce soit le système français d'indemnisation qui soit la référence dans ces pays où des systèmes d'indemnisation sociale et sanitaire n'existent pas. Si, mais est-ce que ça veut dire qu'Areva est prêt à payer ? Nous avons dit que nous appliquerions, nous aiderions les caisses à appliquer le système français. Comme on le fait, d'argent ? Comme on le fait pour nous. Pour qu'on ait la question que vous posez semble dire que tout le monde est malade de l'uranium au Niger. C'est faux. Aujourd'hui, ni vous ni moi ne pouvons dire ça. Laissons faire les médecins. Pour obtenir des indemnités, le Niger peut-il se permettre un bras de fer avec Areva ? Le minerai d'uranium, c'est près de la moitié des exportations du pays et un seul client capable de l'extraire pour l'instant, Areva. L'attaquer, c'est prendre le risque de le faire fuir. C'est aussi faire peur aux autres sociétés étrangères qui veulent s'implanter ici. Je pense là à l'indemnisation, ça, il ne faut pas y compter parce qu'aucun tribunal ne pourra avoir de base scientifique pour condamner. Par contre, on peut concevoir que le gouvernement du Niger exige d'Areva une meilleure utilisation, enfin, un réenfouissement de ce qui a été extrait et ne pas utilisé, qui est un petit peu radioactif, un peu plus que la norme, on va dire. Mais, et puis, alors là, ça coûtera un peu. Là, ça coûtera un peu à Areva. Donc, ils vont négocier. Areva va-t-elle changer ses méthodes ? Nous sommes ici à une centaine de kilomètres au sud d'Arlit. L'endroit s'appelle Imouraren. Areva vient d'y obtenir une autorisation d'exploration. Dans quelques mois, s'élèvera ici une troisième mine, une carrière, plus gigantesque encore que celle d'Arlit. Al-Mustapha Al-Hassen y est déjà avec son petit compteur Gégère. Chaque petit monticule de terre, c'est un sondage. Areva a eu l'autorisation du gouvernement nigérien. Ils sont venus s'installer ici sans au préalable même sensibiliser, informer au moins la population qui est ici. Et donc, plus fort raison à attendre que cette population soit sensibilisée. Imour Aren ressemble à ce qu'Arlit était avant l'arrivée des mines. Les quelques rares habitants sont des bergers nomades qui ont été éloignés pour permettre à Areva de travailler plus facilement. C'est un test pour tous ceux qui veulent s'implanter dans la région. Sur cette carte du Nord Niger, voici la zone Touareg. En gris, les zones exploitées par Areva. En rouge, les zones de prospection attribuées aux Chinois, Indiens, Australiens, Canadiens et autres. Près d'une trentaine de permis délivrés par le gouvernement nigérien. En blanc, ce qui reste à attribuer. C'est la moitié du pays Touareg, presque toute la zone nomade, qui est proposée aux compagnies minières. Depuis ces refuges de la montagne de l'Aïr, Arali Alombo, le chef de la rébellion, regarde avec une colère froide la bataille commerciale qui se joue sans lui sur ses terres. Les gens qui vivent dans ces régions, ce sont des gens qui suivent leurs troupeaux, qui ont un autre mode de vie des animaux, comment les traiter, comment vivre avec ces animaux. C'est tout à fait leur culture, comment ils s'organisent, comment essayer d'avoir d'autres peut-être qu'ils peuvent vendre dans les villes, et ainsi de suite. Donc, et ça c'est notre culture, ce nomadisme dans ces régions. Et maintenant, si le gouvernement autorise des permis d'exploitation dans cette région, d'installer des sociétés, de nouveaux matériels, des camions, ces gens, cette population, elle est obligée d'abandonner la région. C'est là qu'ils trouvent des problèmes. Ces gens n'ont pas l'habitude de payer de l'eau, ils n'ont pas l'habitude de payer de bois, ils n'ont pas l'habitude de payer d'électricité. Ici, dans les villes, tout est payant. Et il faut avoir un travail d'abord. Et si les gens n'ont pas de travail, il faut qu'ils demandent la charité devant tout le monde. Et ça touche la crédibilité de notre culture aussi. Le pays Touareg, ce n'est pas que du désert. Dans la montagne de l'Aïr, l'environnement sauvage est classé par l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité. Juste au-dessus des plaines désertiques où sont les mines d'uranium, il y a des vergers. Sous les barkas, agriculteur Touareg est très fier d'entretenir un de ces petits miracles de la nature. Traditionnellement ici, on cultive des oignons, des dattes, des citrons et des oranges que les caravanes vont vendre en ville à des centaines de kilomètres. Regardez ces fruits, comme ils sont beaux. Ils sont naturels, ils ne sont pas pollués. Ils ont des feuilles brillantes et de qualité, c'est joli, c'est vert. Et quand on les emmène au marché, on est fiers. Suivez-moi, venez voir. J'ai de plus en plus d'arbres malades. Regardez ce palmier dattier. C'était un de mes plus beaux arbres. Et vous voyez, les branches sont devenues toutes petites. Je sais pas ce que c'est. Je crois que ça vient des mines d'uranium. Quand le vent est très violent, la poussière arrive jusqu'ici. Et voilà le résultat. Ces fruits du désert, c'est la seule ressource de la région. Ou plutôt, c'était. Car aujourd'hui, les rebelles contrôlent la zone. Les routes sont coupées. Quand seront-elles rouvertes? Et même, le seront-elles un jour? Cette bataille de l'uranium, les Touaregs ne peuvent pas se permettre de la perdre. C'est de cela dont ils discutent dans leur conseil de village. Comment obtenir un partage des richesses de l'uranium et défendre leur territoire sans passer pour des extrémistes? Le gouvernement nigérien, lui, reste muet. Il ne faut pas faire peur aux compagnies minières qui s'installent. Et Areva voudrait pouvoir bénéficier de ses 40 années d'investissement en paix. Thank you. presse. Alors, la pluie de sable venue du Sahara qui s'abat sur la France est légèrement radioactive. C'était il y a quelque temps. Le désert du Sahara est durablement marqué par les retombées des essais nucléaires effectués dans les années 1960. Le sable porté ces derniers jours par les vents jusqu'en France contient du césium-137, un élément radioactif. Alors c'est la faute de l'Algérie. C'est la faute, ben oui, qui est propriétaire du Sahara, là où on a fait les essais nucléaires. Mais on, qui c'est on ? Eh ben c'était la France, c'était l'armée française qui a fait des essais nucléaires là-bas. Eh oui, et si la radioactivité elle revient en France, d'une certaine manière, c'est en quelque sorte, on pourrait supposer, un retour à l'envoyeur, essai nucléaire français, colonialisme, militarisme, écocide. Ensuite, c'est avec l'immense majorité des Français que nous croyons possible et nécessaire de mener la bataille de l'Union populaire. Il n'est pas nécessaire que nous soyons d'accord sur toutes les choses. Il suffit que nous souhaitions les uns et les autres un changement démocratique, une société plus juste et plus libre. Qui a dit ça ? Qui a écrit ça ? Eh ben, c'est pas récent. Non, c'était Georges Marchais en 1973. Il a bien été démenti depuis, par des menteurs. Eh oui. Mais que cherche Fabien Roussel ? Sinon, détruire l'espoir que nous donne le programme d'Union populaire. Eh ben, il a réussi. Il a réussi, Fabien Roussel, qui se dit membre du Parti communiste, qui se dit communiste. Eh oui, il se dit. Ah oui, mais faut pas, c'est pas le tout de le dire, faut le prouver. Alors, c'est le gars qui a écrit ça, et il met « Je suis communiste, je vote pour Mélenchon ». Et voilà, quand même. Clémentine Autain, ça suffit, qui a soutenu la vente d'armes à l'Arabie Saoudite pour sa guerre au Yémen, qui a accueilli des tyrans Al-Sisi et Poutine à la mairie de Paris. Qui condamne les atrocités commises contre les Ouïghours, puis envoie une délégation aux Jeux Olympiques de Pékin ? C'est vous, dit-elle. C'est vous. C'est-à-dire, Macron ou les électeurs de Macron ? Ben, c'est les deux. Eh oui. Tous responsables. Ouais, tous responsables, les électeurs de Macron. Sont responsables des erreurs, des fautes graves de Monsieur Macron. Interview avec François Villeroy de Gallo. Notre économie a besoin de stabilité, dit-il. Alors que le débat présidentiel fait l'impasse sur l'équilibre des comptes publics, le gouverneur de la Banque de France met en garde sur le niveau de la dette et le risque de dépenses excessives. Cela d'autant plus que l'économie française est affaiblie par la guerre en Ukraine. Voilà. Alors, Monsieur François Villeroy de Gallo, quel est son rôle ? Eh bien, il est gouverneur de la Banque de France, Monsieur de Gallo. Ah oui, la Révolution, c'était il y a deux siècles. Présidentielle 2022, Sarkozy votera pour Macron. Alors, il y a quelqu'un qui a ajouté au crayon au-dessus, et ses 3 ans de prison. Il les fait quand, Sarkozy ? Législative 2022, que peut-on faire avec des députés de l'Union populaire à l'Assemblée nationale ? Alors, Parlement de l'Union populaire, 15 députés, ça peut permettre de créer une commission d'enquête parlementaire. Ensuite, 58 députés, déposer une motion de censure pour s'opposer au gouvernement. 185 députés, demander l'organisation d'un référendum. 289 députés, gouverner le pays. Et puis, on change de sujet. Le mystère, entre guillemets, le mystère de Pâques traverse chacune de nos vies. Fermons les guillemets. C'est Monseigneur Didier Berthet, évêque de diocèse de Saint-Dié, qui parle. Monseigneur, M-O-N-S-E-I-G-N-E-U-R, en toutes lettres. Monseigneur, en 2022, Monseigneur, c'est pas un pays démocratique, la France ? Ah, Monseigneur, Monseigneur, mes seigneurs les électeurs, ou les électrices. Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution, l'inflation alimentaire atteindra 8% en juin. On n'a jamais connu une inflation aussi élevée depuis la fin des années 1980. Elle atteint environ 4% depuis le début de l'année dans les grandes surfaces. Le cas des pâtes est très intéressant. La hausse n'est pas liée à la guerre en Ukraine. Elle avait commencé bien avant. Les pâtes, premier prix et marque distributeur, pâtes Carrefour, Leclerc, Intermarché ou Auchan, ont augmenté de 60% en 3 mois fin 2021. Ce n'est pas anecdotique. Cette hausse est objectivement insupportable pour une partie des consommateurs. L'alimentation représente la moitié des dépenses des 10% des foyers les plus modestes. Ah, la modestie, c'est peut-être pas de qualité, hein, la modestie. Ah, il faudrait qu'on soit moins modeste, hein. Oui. Eh oui. Désormais, tous les produits intégrants des céréales et de la matière grasse végétale sont très inflationnistes. C'est le cas des biscuits, mais aussi du poulet ou du porc, car l'alimentation en céréales représente 75% du prix de revient. Ensuite, suspendu, Pascal Corradini attend une sanction disciplinaire, sanctionné pour certaines de ses positions prises pendant la pandémie. L'enseignant spinalien est suspendu avec salaire depuis le début du mois de mars. L'enseignant de l'IUT d'Épinal sera convoqué en mai à une commission disciplinaire qui devrait le fixer définitivement sur son sort. J'ai été convoqué à une commission d'instruction à l'Université de Lorraine le 30 mars. Voilà, ça c'est la République française. C'est le macronisme, dans toute sa splendeur, le macronisme, pour lequel les gens ont quand même voté. Hein? Les gens. Oh, les gens. Mon Dieu. Si les gens ils votaient pas, s'il y avait des électeurs, hein, ça serait quand même beaucoup mieux. Trouvez pas? Ah, ben tiens, un truc qui est bien, c'est la bourse. Alors, ben, je ne vais pas vous lire de tous les Valourec. Bon, plus 36%. LVMH, plus 11,97%. Hein? Ben oui, ça va bien. Et puis alors, le champion, toute catégorie de toute la page sur la bourse, eh bien, c'est Dassault Aviation. Dans les actions, 159,80€, dernière cotation, et une augmentation de 68,21%. 68,21%. C'est pas moi qui l'invente, hein. Vous voyez, la guerre en Ukraine, peut-être que... Et puis la guerre là-bas, au Tchad, ou... Eh oui, les marchands d'armes, ça va, ça marche bien pour eux. Ça va bien. Oui. Les insoumis en opération séduction, législative 2022. Forte des 22% de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, la France insoumise invite les partis de gauche à la rejoindre pour les législatives. Contraint au ralliement pour survivre, le PCF, le Parti communiste français, veut saisir la main tendue. Et les Verts tentent de limiter l'hégémonie de l'Union populaire. Voilà. Voilà des gens qui ont joué un rôle très, très grave. Espérons que ça leur servira de leçon pour des dizaines d'années. Parce que, enfin bref, saboter le progrès, c'est un crime. Petit rappel non subliminal, il y a trois sortes de violences. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde, en feignant d'oublier la première qui l'a fait naître et la troisième qui la tue. Signé Don Elder. La libre pensée. Sans aucunement prendre position sur le plan politique, essayons de faire le constat lucide des résultats. Une abstention jamais aussi forte pour une élection de ce type, près de 30%. L'effondrement des partis institutionnels, Le PS à moins de 2%, bon débarras. Les LR à moins de 5%, bon débarras. Les Verts aussi. Le PCF à moins de 3%. Eh ben, ma foi, c'est tout. Hein? Ah oui, il y a des erreurs. Il y a des fautes qui se payent. Des fautes, pour ne pas dire pire. Des fautes. Hein, monsieur le président du PCF, là, secrétaire général du PCF. Ben oui, les trahisons du PS et du PC, ben, ça fait, et des verts, ça, un jour ça se paiera. Ça a déjà commencé. Hein. Jean-Luc Mélenchon en position de force à gauche pour le troisième tour. Les élections législatives, la construction d'une dynamique militante incontestable autour de l'Union populaire pour le quatrième tour, celui des véritables combats. La candidature que l'on peut estimer de diversion semble avoir empêché Jean-Luc Mélenchon d'être au deuxième tour. Mais c'est une victoire à la Pyrrhus pour le macronisme. Emmanuel Macron, ne représentant même pas un quart des électeurs, c'est un bonapartisme, mis entre eux en caractère particulier et en caractère gras, voilà, sans aucune base sociale et électorale. Rappelons qu'en 2017, Emmanuel Macron, puis François Fillon, cela faisait 15 millions de voix. En 2022, Emmanuel Macron plus Valérie Pécresse, cela fait 11 millions de voix, 4 millions de moins. Même si on ajoute les autres partis institutionnels, PS et PCF, dans la comparaison, c'est un effondrement sans précédent des partis officiels de la Ve République qui sont plus ou moins convergents avec le macronisme. En clair, la Ve République est un coma dépassé. Autre chose. Secours catholique, donner du sens à son épargne. Ah bon. Combien gagnent les grands patrons? La rémunération de Carlos Tavares s'élevait à 19 millions d'euros l'an dernier, à laquelle pourrait s'ajouter 47 millions d'euros de primes. Ouais, c'est beau tout ça, hein? Ah oui, les électeurs, ils peuvent être contents, ils peuvent être fiers d'eux. Oui, c'est eux-mêmes qui fabriquent leur propre malheur. Et le malheur des autres, par la même occasion, bien sûr. Si chacun ne fabriquait que son malheur, on dirait, ben, c'est la justice, et puis voilà. Hein? Ah oui. C'est le cours normal des choses. La Russie menace les États-Unis de représailles. La Russie a adressé cette semaine aux États-Unis une plainte formelle avertissant le gouvernement américain de conséquences imprévisibles, suite à son aide militaire en forte hausse à l'Ukraine. La rue contre l'extrême droite. Des milliers de manifestants à Paris et dans une trentaine de villes en France ont exprimé samedi dans la rue leur inquiétude de voir Marine Le Pen accéder à l'Élysée à 8 jours du second tour de l'élection présidentielle. Affaire Buitoni et Kinder. Ces bactéries difficiles à traquer. Salmonelle dans les Kinder. Listeria dans les fromages. Escherichia coli dans les pizzas Buitoni. Les bactéries sont nos alliés, mais peuvent aussi devenir nos pires ennemis. Policier de la BAC Nancy, révoqué. Le tribunal administratif confirme. 40% des catholiques ont voté pour l'extrême droite. Pas beaucoup d'articles ou de réactions à ce vote communautariste. Décidément, le traitement médiatique est différent pour certaines catégories. L'avenir en commun. Jean-Luc Mélenchon, notre programme comporte 694 propositions. En voici 12 des plus marquantes. Bloquer les prix des produits de première nécessité, nourriture, énergie, carburant. Porter immédiatement le SMIC à 1 400 € net. Restaurer la retraite à 60 ans. Pas une retraite en dessous de 1 063 €, 1 400 € pour une carrière complète. Garantir une cantine bio et gratuite pour nos enfants. Sortir de l'élevage intensif et des pesticides. rendre gratuites les premières quantités d'eau et d'électricité nécessaires à une vie digne, soit remboursées à 100% par la Sécurité sociale, 1063 euros par mois garantis pour tous les jeunes, 1 milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes, une 6e République avec des droits nouveaux, RIC, révocation des élus, RIC, référendum d'initiative commune, révocation des élus, droit de mourir dans la dignité, refonder entièrement la police et restaurer la police de proximité. Le 10 avril, en votant pour Jean-Luc Mélenchon, vous pouvez porter au second tour un programme clairement social, écologique et démocratique. Balayer l'extrême droite dès le premier tour. Ben voilà. Amis électrices, amis électeurs, il y a un certain nombre d'entre vous qui se sont mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Alors après, il ne faudra pas venir se plaindre. Ah oui, il faudra subir pendant 5 ans et bien davantage, parce que ces 5 ans-là vont servir aux salopards après à nous préparer un avenir qui n'est pas gai du tout. Ça va, notre vote, votre vote, parce que, bon, de dimanche dernier, eh bien, ce vote-là, il va avoir des conséquences pour 3 générations. C'est grave, très grave. Il y en a qui ne doivent pas être fiers d'eux. Voilà. Société, 25% de dépression en plus dans le monde en 2020. Voilà, voilà, voilà. Oh, ben, c'est pas la faute des électeurs. Non. Le programme spatial français en grève, je n'ai jamais vu ça. Toulouse, Paris, mais aussi Kourou, en Guyane, dans ces villes où les meilleurs ingénieurs français dans la recherche spatiale travaillent, les bureaux se sont vidés. Le week-end de Pâques n'en est pas la cause. Depuis le 14 avril, ils sont environ 600 salariés, selon les syndicats, à avoir décidé d'une grève exceptionnelle dans l'établissement public pour dénoncer une tendance de plus en plus alarmante selon eux et leur travail. L'inflation et l'absence de réévaluation de leur salaire font partie des causes de la grève. Mais les employés souhaitent surtout dénoncer la politique du gouvernement à délaisser la recherche publique au profit de la recherche privée. Délaisser la recherche publique au profit de la recherche privée. Les industries, le CNES, ne seraient plus au cœur de la recherche, mais un simple agent dans lequel l'argent public est transféré aux entreprises privées, à des gens dont on sait qu'ils n'ont pas actuellement les compétences techniques, disait Damien Desroches, un ingénieur délégué CGT à France Info. Eh oui, c'est grave tout ça, hein. Eh oui. Eh ben, c'est la conséquence du vote. Eh oui, du vote. Les votes. Les votes de cette fois-ci, les votes de la fois précédente, et puis pendant des années, pendant 50 ans, les Français ont voté comme des imbéciles. Eh oui. Chirurgie robotique. L'IMM montre l'exemple. L'Institut Mutualiste Montsouris est un pionnier mondial de la chirurgie robotique. La technique permet des interventions complexes et réduit les durées de séjour. Elle est utilisée en urologie, en gynécologie, ainsi qu'en chirurgie thoracique et digestive. Voilà. Ensuite, là, ça c'est autre chose. Éradiquer la pauvreté, l'avenir en commun, programme de l'avenir en commun. Alors il y en a quelques pages, ben je vous les lirai pas parce que de toute façon c'est trop tard, hein. Ben oui, la France insoumise n'a pas eu la majorité, il n'y a pas une majorité d'électeurs qui a voté pour la France insoumise. Ben oui, les Français ils sont soumis. Eh oui, ils s'en veulent, ils sont lâches. Ben comme il y a beaucoup d'électeurs, les électeurs allemands qui ont voté pour Hitler en 1933, et ils n'avaient peut-être pas suffisamment réfléchi. Hein? Avec leur bulletin de vote, ils ont sur la conscience la Deuxième Guerre mondiale, et c'est 60 millions de morts. Hein? Et les électeurs, ils font parfois des choses graves, ils commettent des erreurs, graves les erreurs de l'électeur. Notre horizon est le plein emploi, mais pas n'importe quel plein emploi. Nous visons un plein emploi émancipateur, social et écologique. Ça, c'est ce que disait la France insoumise avant le premier tour de la présidentielle. Hein. Oui, maintenant, c'est trop tard. Hein. À moins que les électeurs se réveillent avant le deuxième tour ou avant les législatives. Hein. Ah oui. Oh ben tiens, allez, on fait un pari. Je parie pas. J'attends le résultat. Voilà. Ils étaient usés à 15 ans. Ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves. De là à dire qu'ils ont vécu, lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur ils survivaient, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? 21,95% des suffrages. Cela représente 7 712 520 voix. L'écart avec Marine Le Pen, 421 000 suffrages. Est-ce que vous avez digéré? Je ne sais pas si un événement comme celui-là peut se digérer. Il confronte la pensée politique, l'individu, à une situation tout de même assez extraordinaire pour qu'on ne puisse pas balayer ça d'un revers de main. Alors, honnêtement, quand vous avez le sentiment que un destin, une tâche vous passe au bout des doigts comme ça, vous en sortez pas indemne. Je pense que j'ai pas fini avec ça. D'ailleurs, si vous permettez, est-ce que le soir du premier tour, quand les scores se sont resserrés vers 21h30, 22h, vous vous êtes dit, oula, oui, on y pense. Oui, bien sûr. J'ai pensé que ça pouvait se retourner. Je n'en revenais pas. J'avais quelques raisons d'être mécontent de l'écart que j'avais pu observer entre les sondages et le résultat. Oui. Tout le monde après s'est réfugié dans des arguments qui m'ont un peu fait sourire. Le vote utile, tout ça, on en va en parler tout à l'heure sans doute. 4-5 points d'avance par rapport au sondage. Bon, 5 points d'écart, donc et quand même. Alors on avait des raisons d'en être mécontent. Mais sur le fond, si vous voulez, j'ai la pratique. qui me permettent de me positionner dans les événements d'une manière différente de celle que j'ai pu avoir quand j'avais 30 ans ou 40 ans et que j'étais un jeune élu pour qui chaque élection était en quelque sorte une rencontre inoubliable. Et là, bien sûr, c'en était une, mais j'ai appris une chose, c'est qu'il ne faut pas confondre son état d'esprit, son humeur personnelle, ce qu'on ressent, avec la cause qu'on sert. Je vais vous donner un exemple, ne croyez pas qu'il soit prétentieux. J'ai un ami très cher espagnol qui exerce des responsabilités importantes, ou qui en a exercé. Et un jour, il me dit, l'Espagne est fatiguée de tous ces soubresauts et des votes. Et donc, ça justifiait qu'il prenne un ton et une façon de faire pensait-il, adapté, modéré. Et je lui ai dit, tu te trompes. L'Espagne n'est pas fatiguée, c'est toi qui es fatigué. Et je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi, vu ce qu'il est. Si bien que je lui ai dit, tu vois, retire tes mains de la rivière et tu verras qu'elle n'est pas fatiguée, coulée. Donc, pour moi... C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites aujourd'hui, au fond, que vous avez accueilli ça un peu avec sagesse. C'est ce que je comprends. Non, la sagesse, comme si, le résultat d'un travail. Comme si, au fond, il y a 5 ans, ça avait été beaucoup plus compliqué. Et il y a 5 ans, vous avez eu du mal, on le sait, tout le monde le sait, vous-même, vous l'avez reconnu, à accepter le résultat. Permettez-moi d'en dire un mot. Oui. Il y a 5 ans, d'abord, évidemment, je n'étais pas préparé je l'étais mieux cette fois-ci. Je n'étais pas préparé parce qu'on partait de 12%. Et bon, faire 7 points de plus, et même plus, 7,5, c'était tellement énorme. Et là, à nouveau, le sentiment que tout nous passait au bout des doigts. Il y avait 600 000 voix d'écart. C'était la première raison. La deuxième, c'est les sondeurs qui m'avaient dit « Ne vous avancez pas trop vite parce que vous êtes dans un mouchoir de poche et qu'on ne connaît pas le résultat. » Alors, je me croyais prudent. Et j'ai bien fait d'être comme j'étais à l'époque. Mais du coup, j'admets que le ton pouvait donner à penser que je ne savais pas ce que je voulais, ce qui n'était pas du tout le cas. En tout cas, ça a été interprété comme ça. Et après, j'ai souffert qu'on ait dit de moi « Mauvais pardon ». Pas clair. Ouais, il y avait un petit côté « mauvais pardon ». Non, mais ça, attendez, j'aspire à la sainteté que je vois capable, mais c'est pas mon cas. Bon perdant, il faut bien comprendre une chose. Écoutez-moi bien, monsieur Toussaint. Quand je perds une élection, je peux me dire, ah zut, j'ai fait le travail et tout. Mais ce que je sais, c'est les gens derrière. Celui qui attendait le SMIC à 1 400 €, celui qui attendait le blocage des prix. Parce qu'il y a des millions de gens qui sont pris à la gorge dans ce pays. Ça, c'est pour ceux qui sont le plus en attente. Et puis, cette masse immense de gens, sachant, dans la jeunesse notamment, dans les diplômés, qui se disent « mais c'est absurde, ce monde va à la ruine et personne ne semble vouloir y faire quelque chose ». Donc vous êtes Mélenchon allait nous tirer de là. Aujourd'hui, vous êtes frustré, déçu, d'abord pour eux ? Ah bah oui, d'abord parce qu'ils me l'ont dit, parce que j'ai vu des gens en larmes et que je pouvais me dire « mais tout ça est disproportionné », mais non. Et je m'en veux d'avoir pensé que... ça pouvait être disproportionné parce que ces chagrins sont sincères et reposent sur des maltraitances sociales qui semblent sans fin. Dites-vous bien qu'il y a des millions de gens qui se disent « mais bon, ça va être pire demain ». Et ça, donc je dois le ressentir, ça me fait malheur, ça me fait me dire que du coup je dois réfléchir autrement aux événements qu'en regardant mon nombril et en me disant « Ah mon Dieu, j'aurais peut-être dû ceci ». Alors attendez, justement. Il n'y a donc qu'un message pour moi qui me permet de reprendre pied en moi et d'aider les autres à reprendre pied, c'est celui de la lutte. Alors, justement, on va en parler. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? D'abord, qu'est-ce que vous allez faire pour le second tour? Mais avant cela, quand même, 400 000 voix, quand il y a 48 millions d'électeurs inscrits, c'est rien. Qu'est-ce qui vous a manqué? Vous aviez théorisé le trou de souris. C'est passé tout près. Oui. Qu'est-ce qui vous a manqué? Alors, d'abord, regardons le tableau, avant de se lancer dans les grandes introspections, éventuellement culpabilisatrices. Le tableau, c'est que le pays, de manière absolument incroyable, est partagé entre 3 blocs à peu près égaux. C'est vrai. Si vous prenez le bloc de la droite et des libéraux, c'est-à-dire de M. Macron à Mme Pécresse, ça fait 11 400 000. Si vous prenez le bloc d'extrême droite, Madame Le Pen, Monsieur Zemmour et Monsieur Dupont-Aignan, 11 300 000. Et le pôle populaire, l'Union populaire, c'est 11 2. Donc, il y a donc 3 blocs. Et à côté de ces 3 blocs, qui sont extrêmement divisés entre eux, c'est-à-dire que on ne voit pas quelles sont les passerelles possibles, à part l'amour commun du pays, mais en attendant, pour le diriger au quotidien, nous sommes d'accord sur rien. Il y a un 4e bloc, qui est le bloc des abstentionnistes. Là, il y a 12 millions de personnes. Si bien que, en examinant ce tableau, il n'y a qu'une solution stratégique qui saute aux yeux, c'est que la méthode de l'Union populaire qui m'a permis, qui nous a permis d'arriver à ce résultat, est celle qui doit nous permettre de convaincre, dans les 12 millions, la part qui peut faire la bascule significative en créant un véritable bloc central auquel nous aspirons. Donc, aller chercher les amants. Ceux qui vous ont manqué, au fond, sont ceux qui ne se sont pas déplacés. Ça veut dire que vous ne vous dites pas, tiens, une partie des électeurs de Monsieur Roussel, de Madame Hidalgo, de Monsieur Jadot, aurait pu voter pour moi. Bah non, ce serait hypocrite de ma part de dire que ça ne me fait rien. Alors bon, les socialistes, je sais bien que il leur a fallu arriver au point où les voici rendus pour se rendre compte qu'ils avaient un problème d'orientation stratégique de fond. Ouais. C'est-à-dire que le centre de gravité de la société française n'est pas dans le centre-gauche. Il est dans une certaine demande de radicalité dans les solutions. Exactement comme le programme commun de François Mitterrand avait déplacé le centre de gravité de la gauche. Donc, bien sûr, je me dis que pour les socialistes, le débat est devant nous. Pour les écologistes, pareil. D'ailleurs, les deux m'ont agonie d'injures tout le long. Ça leur a pas porté chance, d'ailleurs. Et moi, j'ai bien fait de ne pas répondre parce que je pensais que c'était désespérant si on se battait entre nous. Mais il est clair que mon regard est complètement différent s'agissant des communistes, puisque nous avions fait deux candidatures communes. Et qu'il est évident que si on avait été ensemble, même si une part des 2% de M. Roussel n'aurait pas voté pour une candidature commune, néanmoins, ça faisait la différence et nous serions au deuxième tour. Je ne veux pas faire l'hypocrite et vous dire que ça ne me fait rien. Je pense qu'une erreur stratégique de fond a été de refuser la logique qui avait d'abord conduit les dirigeants communistes à penser qu'il valait mieux faire le front de gauche que de continuer à être dans les étiages où ils étaient. Mais vous, j'achève sur cette question, je n'ai pas de rancœur. Mais vous, est-ce que vous auriez dû tendre la main davantage? Que faire de plus que ce que j'ai fait tout le long de la route? Bah, les convaincre, vraiment? Bah, je n'y suis pas arrivé, mais je pense qu'ils n'étaient pas convaincables. Ils avaient envie d'aller au bout de cette logique, de faire l'épreuve d'une ligne stratégique, parce qu'ils avaient la hantise que leur parti ne vienne à disparaître. Et comme la culture communiste est un fait qui existe dans ce pays, mais c'est un fait que je rassemble davantage que le candidat communiste. Regardez les résultats que je fais dans les villes qui ont des élus communistes, et vous verrez que cette tradition se reconnaît plus dans le programme que je porte et la manière de le porter que dans celle du candidat du parti communiste. Donc il faut distinguer la culture, le mouvement communiste, et son parti et sa direction. Il n'y a pas que ça, Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu non, mais c'est entre vous, qui m'avait interrogé. Absolument. Mais entre vous et le Parti communiste, c'est une histoire compliquée sur les 10 dernières années. Bon, il y a des choses qui n'ont jamais été pardonnées ou digérées, pour reprendre le mot que j'ai utilisé au début de cet entretien. Je me demande bien pourquoi. Mais si vous voulez, nous ferons une émission. Mais en attendant, dans les 10 dernières années, nous avons été deux fois ensemble à l'élection présidentielle. Et deux fois ensemble aux élections européennes. Non, c'est compliqué. Ben, qu'est-ce qui n'est pas compliqué dans la vie? Dites-le-moi, monsieur Toussaint. Même pour organiser cette émission, c'est compliqué. Bien sûr. Donc, tout est compliqué. On relève les problèmes et on essaye d'y faire face. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la stratégie de l'Union populaire, il faut la comprendre. Ce n'est pas juste un sigle. J'adjure qu'on comprenne que ma campagne n'est pas un coup de com'. La stratégie de l'Union populaire, c'est rassembler par la base, puisque les sommets ne veulent rien savoir, sur un programme, c'est-à-dire sur des choses bien précises. Si bien que dès l'entrée de jeu, j'ai compris que si je m'abaissais à entrer dans les polémiques auxquelles on m'invitait, je désespérerais tout le monde. Donc, voici ce que j'ai à dire. Ça tient en deux points, et je l'ai dit dès maintenant, au début de cette émission. Premier point, ne cultivez pas les rancœurs. Pas de règlement de compte, pas de vengeance, pas d'acrimonie. Rassemblez-vous parce que les 11 millions,2 peuvent devenir 12, 13, 14 millions et être le centre de gravité du pays si vous marchez tous de front. Donc, il faut s'accorder sur ce qui permet de rassembler le programme. Et j'ajoute ceci. Non seulement vous devez sécher vos larmes, mais la loi de la vie, c'est que c'est la vie qui est la plus forte. Et dans la vie, c'est le combat qui est le plus fort. Si bien que je suis venu ce soir vous dire une chose. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. Il y a donc un troisième tour. Il n'y a pas seulement un deuxième tour. Mmh. Il y a un troisième tour. Et tout sera sacrifié. De ma part, toutes les satisfactions que je pouvais attendre de la tranquillité de cette sortie d'élection sera sacrifiée à cet objectif. C'est-à-dire, soyez 11 millions, bien. Soyez 12 millions, soyez 13 millions. Rassemblez-vous avec l'Union populaire. Je ne viens donc pas faire du témoignage ni m'introspecter. J'ai compris, mais sans introspection. Et on va revenir longuement, on a une heure à passer ensemble. Jean-Luc Mélenchon, on va revenir dans un instant sur l'avenir de votre mouvement et votre avenir aussi. Mais sur ce qui a pu être décisif dans cette campagne, la guerre en Ukraine. Est-ce que, un, ce conflit a empêché la campagne de se dérouler normalement? Deux, est-ce que vos prises de position, on le sait, sur la Russie, ont pu aussi vous pénaliser? Alors, commençons par dire une chose. Qu'est-ce qui a été décisif? Ce qui a été décisif, c'est l'implication de milliers de gens qui, depuis le mois de septembre, ont fait du porte-à-porte en allant chercher les gens qui n'avaient pas voté jusque-là. Et toute la progression que nous avons fait, il y a sans doute un point, allez, peut-être même deux, qui sont du vote utile, pourquoi pas. Si vous regardez bien, les autres ont perdu 3 points depuis le début du mois de mars. J'en ai gagné 11. Donc vous voyez que c'est pas ça qui fait la différence. Mais surtout, ce que je veux vous dire, pardon, je n'évite pas votre question, je vais y répondre. Mais je veux dire surtout que pour qu'on arrive à avoir les 1 ou 2 points de vote utiles, il fallait d'abord avoir rassemblé les 19 autres ou les 20 autres. Et c'est cette tactique, c'est cette stratégie de rassemblement qui doit continuer, parce que la preuve du pudding, comme disait Karl Marx, c'est qu'on le mange. Eh bien, la preuve que c'est une bonne stratégie, c'est qu'elle amène à 20%. Maintenant, je viens à la Russie. Alors, tout le long m'a été fait un procès absurde, alors que je pensais, y compris avec vous, m'être exprimé tout à fait clairement. J'ai dit, dès le départ, d'abord, ça fait 10 ans que je dis, ça va mal tourner en Ukraine, parce que on ne tient pas compte du fait que le pouvoir russe, quel qu'il soit, se sentira toujours menacé, aussi longtemps qu'on essaiera d'y mettre l'OTAN. Et j'avais dit, quelques jours avant, ma ligne de non-aligné, ça n'est pas la neutralité. Je ne renvoie pas dos à dos tout le monde. Ni les Américains intègrent l'Ukraine dans l'OTAN, ni les Russes ne passent la frontière. Les Russes ont passé la frontière à 5h30 du matin. À 7h, je mets quelqu'un au défi d'avoir pris une prise de position plus rapide, j'ai dit ils portent l'exclusive responsabilité de la situation. Et depuis, je n'ai cessé de dire la même chose. Mais par confort, si vous voulez, pour créer de l'embrouille, de la carabistouille, on disait, ben, il n'est pas clair. Si, je suis parfaitement clair, et je l'ai toujours été. Je suis un non-aligné, ce qui veut dire que je ne suis pas neutre, et que je plaide pour la France une position de non-aligné qui n'est pas si nouvelle que ça, puisque d'autres avant moi, plus prestigieux que moi, l'ont tenue comme politique officielle de la France. Et je continuerai à avoir cette position, parce que c'est la seule qui est bonne. Avec beaucoup d'inquiétude, peut-être en parlera-t-on, sur la prise à revers de tous les systèmes de défense européens par lequel est passé, qu'a réussi à faire M. Poutine, qui est en train de massacrer tout le monde et de détruire l'Ukraine, sans qu'on sache par quel bout attraper le problème. Mais tout le long, je me suis efforcé d'avoir une attitude qui est celle de la raison. Par exemple, quand tout le monde dit « il faut armer les Ukrainiens », pardon, mais nous sommes la France. Alors, si la France décide d'armer les Ukrainiens, c'est parce qu'elle veut que les Ukrainiens se défendent. Alors pourquoi ne va-t-elle pas elle-même? Vous savez très bien que ça ferait de nous des belligérants. J'ai fait très attention à ne jamais prendre en défaut le président de la République, qui tâchait lui-même de faire quelque chose, qui était en quelque sorte de convaincre M. Poutine à quoi il n'est pas arrivé. Voilà, donc je condamne, j'ai condamné, je condamne de la manière la plus claire. Maintenant, si vous voulez, ça ne coûte rien de condamner. Ce qu'il faut voir, c'est par quel bout on prend les problèmes. Bien. Alors, cette campagne présidentielle, finalement, la revanche Macron-Le Pen, dont les Français ne voulaient pas, tous les sondages le disaient, a bien lieu. Comment l'expliquez-vous? Ben, je l'explique parce que à 420 000 voix près, je n'y suis pas. Les institutions de la Ve République sont ainsi faites. Alors, on commentera des heures durant. Est-ce que c'est bien qu'il y en ait deux, qu'il y en ait trois au deuxième tour? Moi, je veux changer carrément la règle du jeu, parce que je la trouve absurde, et je vous demande de réfléchir à ce fait que nous sommes confrontés à un deuxième tour qui représente un tiers des électeurs inscrits. Tous les autres sont éjectés de ce deuxième tour. Et moi, on va matin, midi et soir, sur des modes plus ou moins agréables et plaisants, m'adjurer de dire ceci, de dire cela, et tout ça, bon, parce que nous sommes dans un monde de fous, une institution folle qui aboutit à demander aux gens d'approuver quelque chose qu'ils désapprouvent fondamentalement. Donc vous ne voulez plus d'élection du président de la République au suffrage universel? Ah ben si, mais tout dépend comment on élit ce président de la République et quels sont ses pouvoirs. Monsieur Toussaint, tout de même, les pouvoirs de la personne que nous allons désigner, oui, peut transformer ce pays en dictature en 24 heures. Non, mais on a le sentiment que là, vous voulez changer les règles du jeu parce que vous avez perdu. Ah ben non, s'il vous plaît, soyez sympa avec moi. Ça fait quand même 20 ans que je me bats contre le régime de la monarchie présidentielle, ouais, dans la Ve République. Tout le monde m'a entendu dire, au point de saouler, que j'étais partisan d'une Sixième République, il fallait en passer par une constituante, et j'ajoute que si je suis le chef du prochain gouvernement parce que les Français l'ont voulu, nous installerons justement le référendum d'initiative citoyenne, parce que ça, on peut le faire par la loi. J'ai pas bien compris, là. Donc vous nous dites ce soir, je veux être Premier ministre, mais de qui? Des deux? C'est-à-dire... Ça paraît pour vous? C'est assez secondaire. Comment ça? Bah, bien sûr. La constitution de la Ve République. Alors, j'ai deux hypothèses. Première hypothèse, je plie bagage, je rentre chez moi et je pleure jusqu'à la prochaine élection dans 5 ans. Bon, on a cru comprendre que c'était... Mais c'est pas trop ni dans mon tempérament, ni non plus ce que je voudrais dire à tous ceux qui m'entourent. Si vous me dites que nous sommes en état d'alerte et d'urgence sociale, ce que je crois, si vous me dites qu'on est en état d'urgence écologique, ce que je crois aussi, et démocratique, alors... Eh bien, vous bougez, vous engagez, d'accord, vous réfléchissez à comment vous pouvez vous rendre utile. Alors, vous dites, je veux être Premier ministre. Si Marine Le Pen gagne l'élection dimanche soir, alors, vous pourriez être Premier ministre de Marine Le Pen. Alors, et même question, vous pourriez être Premier ministre d'Emmanuel Macron. Prenez le problème par l'autre bout. Si je ne me bats pas pour cette victoire, qu'est-ce que je fais? Je dis, donnez-leur tous les pouvoirs. Moi, je ne veux pas que Madame Le Pen prenne le pays. Et je ne veux pas que M. Macron garde le pouvoir. Et je dois résoudre cette contradiction, et je ne la résous que d'une manière, en disant il y a un troisième tour. Donc commencez par régler ce qui vous paraît le plus urgent, le plus dangereux, et au tour suivant, on prend le suivant. Je serai donc le Premier ministre, pas par la faveur ou la grâce, pardon, laissez-moi finir, non, mais c'est pas de M. Macron ou de Mme Le Pen, mais parce que les Français l'auront voulu. Vous dites, et si au les Français fond, l'ont voulu... Pour que je comprenne bien, Jean-Luc Mélenchon, vous dites au fond, il y a trois blocs, je reprends votre expression, qui sont presque à égalité, même si en réalité Emmanuel Macron avait un peu d'avance au premier tour. Vous dites, ces trois blocs sont à égalité, au fond, il suffit qu'il y en ait un qui soit devant aux législatives, imaginons que ce soit le bloc populaire, je deviens Premier ministre. Oui. Voilà le raisonnement que vous faites. Oui, et j'accompagne votre pensée. Mais merci, parce que on se croit souvent plus clair qu'on ne l'est, parce qu'on jargonne quand on est dans le milieu politique. Et ce matin, nous avons eu une longue séance de l'intergroupe parlementaire, et peut-être ai-je pris les mauvaises habitudes d'expression. Mais voilà ce que ça veut dire, en effet. Ouais. Ça veut dire que ce sont les Français qui décident de qui va être le chef du gouvernement. Je ne veux pas... Mais allez-y, il n'y a rien, il n'y a aucune question qui gêne. Aujourd'hui, combien de députés insoumis? 17? Oui. Il en faut 290 pour être majoritaire. Alors, qu'est-ce que vous en concluez? Ça va être une mission impossible. Voilà, c'est comme la dernière fois, on m'avait dit la gauche est divisée, c'est perdu d'avance. Ouais. Ça a duré jusqu'au mois de janvier. Hein. Alors là, je vous réponds, je prends l'argument, je le prends comme il est. Oui, nous étions 17. Et j'en profite pour dire que si les 7 millions qui avaient voté pour nous à la présidentielle avaient voté à la législative, j'aurais été le Premier ministre. Bon. De la période qui vient d'avoir lieu. Maintenant, regardons bien. Une énorme abstention, on s'en souvient, aux législatives. Oui, oui, mais regardons bien. De 2017. Mais c'est bien ça que je veux dire aux gens de ne pas faire. C'est-à-dire de rester à la maison. Regardons bien. Telle qu'est la situation aujourd'hui, l'Union populaire est en tête dans 105 circonscriptions du pays. C'est-à-dire 20% d'entre elles. Et nous sommes au deuxième tour, avec les résultats qu'il y a là, hein, dans les circonscriptions, dans plus de 420 circonscriptions. Ce qui veut dire que c'est possible. Pourquoi? Parce que nous avons un modèle d'élection législative, lui aussi aberrant, qui est le suffrage universel à deux tours, et qu'il faut faire 12,5 pour être présent au deuxième tour. Monsieur Toussaint, les calculs que nous avons faits, nous les avons faits sans compter les circonscriptions où on ne fait pas 12,5 aujourd'hui. Si bien que je le dis, si on veut, on peut. Et alors, cette fois-ci, c'est pas un trou de souris, il y a une porte qui est là, vous la prenez ou vous choisissez l'autre. Faut voir grand-mère, grand-mère et sa poitrine, grand-mère et ses usines, et ses 20 secrétaires. Faut voir Mère Grand diriger ses affaires. Elle vend des courants d'air déguisés en coups de vent. Faut voir Grand-mère quand elle compte son magot. Ça fait des tas de zéros pointés comme son derrière. Mais pendant ce temps-là, grand-père court après la bonne en lui disant que l'argent ne fait pas le bonheur. Comment voulez-vous, bonnes gens, que nos bonnes bonnes et que nos petits épargnants aient le sens des valeurs? Faut voir grand-mère, c'est une tramontane qui fume le Havane et fait trembler la terre. Faut voir grand-mère, cerclée de généraux, être culotte de peau et gagner leur guéguerre. Faut voir grand-mère, dressée sous son chapeau, c'est Waterloo où serait pas venu Blücher. Mais pendant ce temps-là, grand-père court après la bonne en lui disant que l'armée, elle bat le beurre. Comment voulez-vous, bonnes gens, que nos bonnes bonnes et que nos chers piou-piou aient le sens des valeurs? Faut voir grand-mère s'assurer sur la mort un petit coup de presbytère, un petit coup de remords. Faut voir grand-mère et ses ligues de vertu, ses anciens combattants, ses anciens combattus. Faut voir grand-mère quand elle se croit pécheresse, un grand verre de grand-messe et un doigt de couvent. Mais pendant ce temps-là, grand-père court après la bonne en lui disant que les curés sont farceurs. Comment voulez-vous, bonnes gens, que nos bonnes bonnes et que nos petits incroyants aient le sens des valeurs? Mais il faut voir grand-père dans les bistrots bavards où claquent les billards et les chopes de bière. Faut voir père grand caresser les roseaux, effeuiller les étangs et pleurer du Rimbaud. Faut voir grand-père, dimanche finissant, honteux et regrettant d'avoir trompé grand-mère. Mais pendant ce temps-là, grand-mère se tape la bonne en lui disant que les hommes sont menteurs. Comment voulez-vous, bonnes gens, que nos bonnes bonnes et que notre belle jeunesse ait le sens des valeurs? Je continue votre, je poursuis votre raisonnement. Ça veut dire que vous serez vous-même candidat aux législatives? Non, ça c'est une autre paire de manches, hein. Comment ça? Parce que ben il y a pas besoin d'être élu député pour être non, premier ministre. Mais enfin, si vous voulez mener une bataille, ah ben je vais mener, ah ben autant la mener en étant candidat. Ben précisément, mon cher, c'est la raison pour laquelle des fois il vaut mieux pas, parce qu'il faut courir partout. Et on m'a déjà dit, ah, on t'a pas assez vu à Marseille. Alors j'avais beau leur dire, écoutez, vous êtes sympa, mais comment je fais pour mener la bataille à l'Assemblée tout le temps comme président de groupe et être là à écouter les problèmes des uns et des autres? J'ai essayé de faire les deux. Je crois que j'y suis arrivé. Mais là, il faut que j'aille partout. Et il n'y a pas besoin d'être député pour être Premier ministre. Il suffit qu'on élise une majorité de députés. Monsieur Castex n'est pas député. Monsieur de Villepin n'a jamais été député. Et je pourrais en prendre d'autres. Raymond Barre n'était pas député. Donc vous ne serez pas candidat? Je ne sais pas encore. Nous allons trancher dans les jours qui viennent. Mais vous savez, vous êtes incroyable. Le vote avait lieu le dimanche soir. Le lundi matin, il fallait que je... Ça y est, je devais... Pas vous, mais... Et je devais répondre à ci, à là, des centaines de messages. Non, moi, je suis un gars lent. J'aime que la poussière retombe. Vous êtes lent, mais vous voulez être Premier ministre. Oui. Donc bon, si vous avez cette ambition-là, vous pouvez peut-être, honnêtement, ce soir, répondre à cette question simple. Eh ben qui est que je, vous, pardon, monsieur Toussaint, je veux que pas vous ne serez pas candidat, contrarier, ou que vous serez candidat. Mais je n'ai pas décidé, et cette décision n'est pas la plus urgente qu'il y avait à prendre. La plus urgente qu'il y avait à prendre, c'était d'abord de se reposer, ce qui est tout un art, 2 jours, et ensuite de remonter sur le cheval en consultant tout le monde largement autour de moi. Est-ce que c'est une question de circonscription ? Ah non, bah j'ai fait 55% au premier tour, donc. Ok. Donc vous savez, je suis déjà président de la République. Pour finir sur ce, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion. Pour finir sur ce point, oui. Si vous êtes candidat, vous le seriez à Marseille quoi qu'il arrive, pas ailleurs. Franchement, on n'a pas. Vous ne savez pas non plus. Mais non. L'évidence voudrait que ce soit Marseille. Ouais. Hein. Cependant, ça n'est, déciderez-vous. Ben, ça n'est pas. Attendez quand même, monsieur Toussaint. Faut bien comprendre. La dernière fois, j'ai peut-être été présomptueux. J'avais une envie passionnelle d'être sur le bord de la Méditerranée. Bon, voilà. Alors Marseille me parlait de 10 millions de façons. Et peut-être ai-je eu les yeux plus gros que le ventre. Mais ça veut dire monter et descendre du train sans arrêt. C'est 3 heures pour y aller, 3 heures pour revenir. C'est la clim du matin au soir. Pardon, moi je vous parle de choses très concrètes et qui touchent le bonhomme. Hein. Bon, comme disait François Mitterrand, la couche de terreau est pas si profonde. Faut pas gratter trop violemment. Et j'ai quand même gratté beaucoup et très fort. Alors peut-être que si j'avais 30 ans, je dirais, eh bien pourquoi pas, même je veux bien m'être candidat sur la planète Mars. Mais maintenant, je suis conduit à être plus raisonnable, et ça peut me faire douter. Mais franchement, ce n'est pas le premier critère. Mon premier critère, c'est comment je peux mener une campagne qui soit sur tout le pays, tout en étant présent dans une circonscription. Résumons-nous, ce soir, vous annoncez que vous poursuivez votre combat politique en essayant donc de remporter les législatives. Mais là, il y a une question quand même très importante. Je vous l'ai déjà posée, je vous la repose. Vous connaissez par cœur les institutions de la Ve République. Être Premier ministre d'un président, c'est répondre, à se rapporter à ce président de la République ou à cette présidente de la République. C'est avoir une relation particulière, même en cohabitation. Il y a des exemples historiques. Je n'arrive pas à comprendre, pardonnez-moi de vous le dire comme cela, mais comment vous pouvez imaginer un instant être Premier ministre de l'un ou de l'autre ? Donc vous me suggérez de cesser le combat. Mais je vous suggère rien. Est-ce que vous vous imaginez à l'Élysée, dans le bureau, avec Marine Le Pen, en train de discuter de l'avenir du pays ? Vox Populi, Vox Dei. Ce qu'ils auront décidé, je le ferai. Mais peut-être, par habitude, à force de voir des présidents décider de tout, intervenir sur tous les sujets, le dernier était particulièrement spectaculaire, puisqu'il nous a même fait un numéro de marchand de voitures, si vous en souvenez, en plein milieu de la crise Covid. Donc les présidents qui se mêlent de tout. Mais la Constitution, vous le savez comme moi, le général de Gaulle était assez habile pour qu'il y ait à boire et à manger, du sel et du poivre. Donc le président de la cohabitation. Oui, mais dans le texte de la Constitution, le président négocie et signe les traités. Il a donc un poids considérable dans les affaires étrangères. Il est le chef des armées. Il a un poids considérable dans la question de la défense. Mais l'article 20 de la Constitution dit que c'est le Premier ministre qui conduit et dirige la politique de la nation. Si bien que je serai élu par le peuple français au titre de cet article 20. Et si ça ne convient pas au président, pardon monsieur Brice Toussaint, laissez-moi finir. Si ça ne convient pas au président, il peut s'en aller. Moi, je ne m'en irai pas. Ça, j'ai bien compris. Je pensais pas vous poser la question comme ça, mais tout de même, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il y a quand même un des deux qui a votre préférence. Non. Sérieusement? Non. Alors les deux ne sont pas de même nature. Je ne veux pas tourner autour du pot. Ce n'est pas une question de personne, parce que je ne connais pas Madame Le Pen comme individu, et je ne connais pas non plus le président Macron. Ils doivent avoir chacun leur part de qualité et de défaut. Mais ils incarnent quelque chose, comme moi-même, qui est à leurs yeux sans doute que des défauts. Mais moi aussi, j'incarne quelque chose. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si dans 1% des communes les plus pauvres de France, je fais en moyenne 42%, je sais qui je suis et au nom de qui je parle. Et permettez-moi de vous dire que la question de savoir qui est président à ce moment-là, eh bien on s'en fout. Parce que du moment qu'on aura la majorité... Moi, le lendemain, vous savez une chose, c'est pas le président qui signe les décrets, c'est le Premier ministre. Je signerai le décret de blocage des prix. Et les gens, ils seront heureux de ça. Je vous pose la question autrement, Marine Le Pen, elle fait partie du champ républicain, donc, pour vous. Moi, j'ai toujours eu de la difficulté avec ça. Pourquoi ? Parce que, au tout début des luttes avec le Front National, moi, j'étais sur une position très dure. M'inspirant du passé, je disais, nous n'avons pas accepté. Soit nous disons qu'ils sont dangereux pour la République, alors on les dissout. Si on ne les dissout pas et qu'on leur donne des sous tous les ans parce qu'ils ont 50 candidats, etc., alors c'est qu'on les accepte. Bien, eh ben, ce sont les conditions de la lutte. À l'époque, on m'a dit, oh non, ton truc, c'est beaucoup trop violent, on va régler ça par les voies démocratiques. Il n'y a qu'à voir comment on est en train de le régler. La question ne se pose pas comme ça pour moi. Elle se pose par le fait que, fondamentalement, elle porte avec elle une vision de la France qui fait que c'est une autre France. Ce n'est pas la France dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas la France républicaine. Je pourrais prendre des exemples qui sont assez sophistiqués. Par exemple, le droit du sol. Tu nais en France, tu dois pouvoir devenir français. Aujourd'hui, à 16 ans, on manifeste la volonté d'être français. Personnellement, je préférerais qu'une fois né en France, on est français. Mmh. Mais bon, c'est comme ça. Le droit du sol. Mais je pourrais dire combien d'autres choses. Quand elle dit que le premier référendum qu'elle veut organiser, monsieur Toussaint, le premier référendum, c'est sur le voile. C'est l'IRA à l'envers en France. On va commencer à surveiller les gens dans la rue, et puis alors on va tomber sur une mamie, ça pourrait être la mienne, qui a son foulard sur la tête. Alors pourquoi vous le portez? Faut l'enlever. Ah ben non, pourquoi? On va donc faire la police du vêtement? On va donc recommencer à faire la chasse aux musulmans? Les musulmans de France, qui sont français, sont français. Et nous n'avons pas à discuter ce point. Et je vais le dire, si elle fait ça, c'est une provocation et une incitation qui est insupportable à se mépriser. Alors demain après, ça sera les kippas. Les gens diront, ah ben puisqu'on peut pas mettre de foulard, on peut pas mettre de kippa. Mmh. Après les autres diront, ah ben les croix non plus. Qu'est-ce que c'est que cette France-là? C'est absurde. C'est un tissu de violence contenue qui me fait horreur. Alors, voyez-vous, je suis le petit-fils d'un homme qui suivait tous les cortèges militaires pendant la guerre, tellement il était attaché au drapeau français. Et on lui disait qu'il était menacé parce qu'il était un Français de papier, parce qu'il avait été naturalisé français. Je ne supporte pas ça. La France est une et indivisible par son peuple, qui est un et indivisible. Alors, Jean-Luc, pardon si ça vous paraît grandiloquent, mais pour moi, ce sont les choses auxquelles je suis attaché. Je sens beaucoup de sincérité, et du coup, je m'étonne. Pourquoi ne dites-vous pas clairement, oui, je préférerais être Premier ministre d'Emmanuel Macron que de Marine Le Pen? Parce que à vous entendre, ça paraît évident. J'ai donné mon point de vue personnel. Je pense que la plupart de mes amis le partagent. Ils n'ont pas la même réponse. Quelle est ma responsabilité politique? Politique, c'est pas de prêcher dans le désert. C'est de convaincre et de garder uni un bloc de 11 millions de personnes qui doit devenir 12 ou 13, ou en tout cas le premier bloc du pays. Son unité est ma responsabilité politique. Or, ils sont divisés sur cette question. Mmh. Et je ne vois pas au nom de quoi j'irai leur dire, faites ceci, choisissez celui-ci ou choisissez celle-là. Je leur dis, ne votez pas pour elle, premièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a des sondeurs qui m'ont dit, la dernière fois, ils avaient dit, à 22% des électeurs des Insoumis vont voter Madame Le Pen. En réalité, c'est tombé à 7. Ouais. C'est pas la première fois qu'on me fait le coup de la porosité. Entre 7 et 10. Là, on m'a dit 13. Eh bien, moi, je dis à ces 13-là, vous faites une erreur colossal si vous votez pour Madame Le Pen. Je ne vous dis pas de voter pour Monsieur Macron, cherchez dans votre tête ce qui est bien. Mais si vous faites ça, vous êtes à contradiction totale du programme sur lequel... Parce que dit ce programme? L'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Les êtres humains sont tous semblables par leurs besoins. Restons sur ce point précis. Regardons d'abord, c'est important, ça a été l'événement, le soir du premier tour, regardons ensemble ce que vous disiez très clairement, même en le répétant plusieurs fois. Regardez. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. C'était préparé, ça, d'ailleurs? Non. Non. Non, c'est venu comme ça. Ouais. Avec la foule. Non, parce que je voulais protéger les miens. Et la dernière fois, d'une manière assez honteuse, on m'a fait pendant toute la campagne des législatives, il n'est pas clair, il n'a pas choisi, alors que je m'étais quand même peut-être pas exprimé aussi clairement que beaucoup l'auraient voulu. Alors justement, petit retour en arrière, 2017, regardez. Chacun, chacune d'entre vous sait en conscience quel est son devoir. Dès lors, je m'y range. Je n'ai reçu aucun mandat des 450 000 personnes qui ont décidé de présenter ma candidature pour m'exprimer à leur place sur la suite. Elles seront donc appelées à se prononcer sur la plateforme et le résultat de leur expression sera rendu public. Reconnaissez qu'il y a un changement de ton. Peut-être, parce que je ne sais pas à quel moment, il y a un moment où j'ai dit on ne vote pas pour l'extrême droite. Je l'ai dit, hein. Bon. Et puis dans le choix de la plateforme, il n'y avait pas la possibilité de voter pour Madame Le Pen. Mais bon, sans doute, j'aurais dû immédiatement, je ne sais pas comment tout ça est engagé et où on a coupé dans le film. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est pas ce que j'ai dit, on n'est pas en 2017, là vous aurez noté la différence, on est en 2022. Je pense m'être exprimé avec clarté et je n'en ferai pas davantage. Quelles que soient les injonctions et le prestige de ceux qui me font ces injonctions, à dire « Monsieur, vous devez être plus clair ». Je suis très clair, je l'ai été, et par-dessus tout, je veux dire à ceux qui ne pensent pas comme moi, sauf sur le point de ne pas voter pour Madame Le Pen, que je les comprends. Et je comprends que quand on a été éborgné par Monsieur Macron, on n'ait pas envie de voter pour lui. Je comprends quand, 3 jours après, à accéder au deuxième tour. Je vois, monsieur, le président du DAL, monsieur Jean-Baptiste Hérault, roué de coups et piétiné par terre. Je comprends qu'on n'ait pas au logement. Et je pourrais continuer comme ça, la liste est longue. 21 lois contre les libertés dans ce pays, sous le mandat de monsieur Macron, 11 sur des questions sanitaires et 10 sur le reste. Je comprends, après toutes les brutalités sociales auxquelles il s'est livré, que les gens n'aient pas envie. Alors ne me demandez pas de m'abaisser à en dire davantage que ce que j'ai dit. Je fais confiance à l'intelligence collective. Si les gens votent, comme on vient de le voir sur la plateforme. Oui, alors justement, allez-y. Vos militants, 37% choisissent le vote blanc, 33% votent Macron, 28% s'abstiennent. C'est-à-dire que quand vous dites ne votez pas pour Marine Le Pen, il y a plusieurs façons de répondre. Voilà. Il n'y a pas que le bulletin Macron. Il y a le vote blanc, en effet, il y a l'abstention, le vote nul, que sais-je. Voilà. Vous avez tout compris. Et vous, donc ma famille est éclatée en 3 positions différentes. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de vote Le Pen. Hein. Et si ce résultat se décalque sur les 7 700 000 voix qu'il y a eu de notre côté, Madame Le Pen n'a aucune chance d'être élue. Donc, je demande qu'on ait l'intelligence de comprendre ce qu'est ma position politique. Mais justement, Jean-Luc Mélenchon, alors on va revenir encore un peu plus en arrière, 2002, voilà ce que vous disiez après le 21 avril. Le 5 mai, il faut pas hésiter. Alors mettez des gants si vous voulez, des pinces ou ce que vous voulez, mais votez, abaissez le plus bas possible Le Pen. Vous voyez une très grande différence, mais je vais vous dire où est la différence. Elle n'est pas dans votre film. J'ai appelé à voter Chirac. Je l'ai écrit. Oui. Pourquoi ? Qui étais-je à ce moment-là, monsieur Toussaint ? Un ministre socialiste, membre du Parti Socialiste et de sa direction. Il n'y avait aucun problème dans le Parti Socialiste sur ce qu'il fallait faire. On était tous d'accord. Et nos électeurs nous ont suivis. Et maintenant, je ne suis pas un dirigeant socialiste. Je suis le porte-parole de l'Union Populaire. J'ai été son candidat et des Insoumis. Et donc, je suis en devoir d'entendre les voix qui composent ce qui n'est pas un parti, qui est un mouvement. Et vous l'avez dit vous-même, vous venez de le répéter, il y a des gens qui pensent qu'il faut s'abstenir. Moi, je leur dis, écoutez, votez ce que vous voulez, mais ne vous abstenez pas, restez acteurs de votre histoire. La morale de la responsabilité, si je peux parler comme ça, la philosophie de la responsabilité, et surtout la philosophie humaniste, veut que l'on soit son propre constructeur. Donc, en toutes circonstances, participez à la vie de votre pays. Et puis après, vous votez comme vous voulez. Moi, je vous ai dit... Un mot sur le vote blanc. Je pense qu'il faudrait... dans le futur, il faudrait le compter. Non, mais là, pour le deuxième tour, vous comprendriez les gens qui voteraient blanc? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Vous pensez que je vais écrire à tout le monde en disant, vous autres, qu'avez voté... Vous pourriez me dire, je le regrette, ou je ne sais pas, vous pourriez avoir... Mais non. Écoutez... Monsieur Toussaint, on va arrêter avec ça, parce que on va tourner en rond, vous allez essayer de trouver une faille dans le truc, et il n'y en aura pas. Ce que j'ai dit est dit. Ouais. On ne vote pas pour Madame Le Pen. On ne vote pas pour Madame Le Pen. Et ensuite, on fait avec sa conscience, chacun. Je ferai avec ma conscience, d'autres feront avec leur conscience. Autour de moi, les avis sont extrêmement divers. Et je suis le représentant de toute la famille. Mon but, c'est pas d'en casser la moitié pour faire plaisir à Monsieur Macron ou à je ne sais qui, ou à Madame Le Pen. Mon but, c'est de garder rassemblés les 11 millions de voix pour qu'elle devienne la prochaine majorité. Ouais. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Et parmi mes amis, quelles que soient leurs attitudes et leurs choix, au moment du vote, eux-mêmes le comprennent. Ouais. Et c'est ce qu'ils attendent de moi. Ils n'attendent pas que je leur donne des consignes. D'abord, ils ont tellement mauvais caractère qu'ils n'en font qu'à leur tête. Et je dis à Monsieur Macron qu'il vaut mieux éviter d'essayer de me tordre les bras, ça ne me plaît pas du tout. Et quand j'ai vu qu'il a dit « nous avons eu un échange », je demande que ça soit discret, non, moi, il faudrait savoir. Vous avez parlé ou pas ? Attendez, si on a eu un échange, comme il dit, par SMS, c'est donc entre lui et moi. J'aimerais bien savoir pourquoi il me fait la leçon. Moi, je ne raconte pas ma vie. Oui, j'ai été en contact avec le président Macron pour essayer de tirer d'affaire quelqu'un qui est en très grand danger de mort dans un pays étranger. Et j'ai reçu de sa part les meilleures réponses. Et le travail a été fait. Cet homme peut être tiré d'affaire à tout moment. Ça, c'était avant le premier tour ? Avant, pendant, j'ai même embêté pendant ces émissions, alors c'est dire. Donc voilà. Pour le reste, il m'a appelé, je crois que c'est lui, l'autre jour, il m'a dit, si vous voulez parler, etc. Non, je ne veux pas parler, puisqu'il ne sait pas tenir sa langue. Donc il va faire croire à tout le monde que je suis en train de négocier avec lui, je sais pas quoi. Je négocie rien avec Monsieur Macron. Je ne négocie rien avec personne. C'est pas négocier, c'est parler. Le président de la République vous appelle? Eh ben, il a qu'à vous appeler, vous avez l'air bien disposé à vouloir parler. Mais ouais, il a rien à faire à... Et si vous êtes un journaliste, vous êtes bien plus important que moi, vous voyez la télé sans arrêt. Vous appelez pourrait lui donner comme résultat que vous parleriez aimablement de lui. Soyons sérieux. Oui, je suis sérieux. C'est vous qui ne l'êtes pas. Bah si, soyons sérieux. Vous me demandez de parler pour parler de quoi ? Mais je ne sais pas. Enfin, je veux dire... Vous savez pas. Vous avez refusé de parler au président de la République. De politique. Mais écoutez... Expliquez-moi. Oui. Vous savez pourquoi ? Bah, dites-moi. Parce que je viens de vous le dire. Donc je répète pour que vous compreniez bien. Parce que le lendemain, il va dire « Tiens, j'ai eu au téléphone Mélenchon ». Tout le monde va se dire « Mais qu'est-ce qu'ils se racontent, ces deux-là ? » Je ne veux pas de ces petits jeux-là. Je ne veux pas qu'on me torde le bras. On ne me tirera pas un mot de plus que ce que j'ai déjà dit. Et vous pouvez passer tout le reste de l'émission à essayer de me faire dire autre chose. Ah bon, voilà. Donc il faut savoir à un moment donné, écoutez-moi, monsieur Toussaint, qui on est ? Vous êtes un journaliste. Vous assumez votre boulot de journaliste. Vous vous mettez dans une attitude d'esprit critique. Moi, je suis le porte-parole de 11 millions de personnes. Je leur dois des comptes. Et à ces 11 millions de personnes, je ne veux pas qu'ils doutent un instant de ma sincérité et du rapport loyal et honnête que je veux avoir avec eux, du moment qu'ils ne votent pas pour l'extrême droite. Alors chantez des tas de chansons, Désiré, toute la clique, les morts en veine de migration se sont levés avec des trics. Ils sont allés au cinéma voir la symphonie pathétique. On dit qu'ils n'ont pas aimé ça. Les morts n'aiment pas la musique. Ils ont voté et puis après, pam pam pam pam pam pam. Apporter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis 60 berges, sans être un saint ni un salaud, je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils, qu'on crucifie sur des affiches, un doigt de scotch et un jean, fils, et tout le reste, je m'en fiche. Ils vont voter et puis après, pam pam pam. J'ai la mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié. Et vous voudriez que je cherche la moitié d'un cul à beauté. En ces temps, on ne voit pas l'herche, ils n'ont même plus de cul. Les Français, ils font voter et puis après, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. C'est un pays qui me débecte, pas moyen de se faire anglais, ou suisse, ou con, ou bien insecte, partout, ils sont confédérés. Faut les voir à la téléurne, ces Vespasiens de l'isoloir, et leur bulletin dans les burnes, et le mépris dans un placard. Ils vont voter, et puis Après, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Dans une France socialiste, je mettrai ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste jusqu'au mégot de mon dégoût. Et puis, assis sur une chaise, un ordinateur dans le gosier, il chanterait la Marseillaise avec des cartes perforées. Le Vous avez entendu quand même qu'il a eu des mots qui semblent indiquer qu'il s'intéresse à vos électeurs. Quand il parle d'écologie, par exemple, qu'il veut que le Premier ministre soit en charge de l'écologie, de la planification, ça vous intéresse ? Vous qui voulez être son Premier ministre. Écoutez, non, vous voyez, c'est ça qu'il ne faut pas faire, Monsieur Toussaint. Je recommence. Puisque vous n'avez rien compris. Si, non, on joue pas, monsieur Toussaint. Vous vous amusez. Mais pas je moi. M'amuse pas du tout. Il y a en ce moment des gens dans le pays. Et vous avez. Non, monsieur Toussaint. Vous, alors, vous voulez être le patron de votre rédaction, c'est votre affaire. Moi, je ne veux pas être le premier ministre de Pierre-Paul Ujac. Je veux être le premier ministre que les Français ont choisi parce qu'ils ont élu une majorité pour appliquer mon programme. Et vous savez pourquoi? Parce que les gens sont en situation de détresse sociale et il leur faut un premier ministre qui bloque les prix. Parce que nous sommes en situation d'urgence écologique et que le président de la République et Madame Le Pen n'ont rien compris. Parlons d'écologie. Et troisièmement, nous sommes en situation de crise démocratique et les deux ne veulent rien changer. Alors, parlons d'écologie si vous le voulez bien. C'est une proposition qui est mise sur la table par le candidat président. Est-ce que vous avez un avis sur cette proposition ? J'ai l'habitude. La dernière fois, entre les deux tours, Madame Le Pen parlait de planification écologique, tout le monde était mort de rire en lui disant « mais il paraît que c'est le Gosplan, c'est l'Union soviétique ». Non, je suis content qu'il ait pris conscience, mais à mon avis, si vous voulez, il y a un côté, batteur d'estrade, on reprend mes mots, pourquoi pas, tant mieux. Il n'est pas crédible ? Écoutez, je vais vous dire une bonne chose, qu'il parle avec mes mots, il finira par parler avec ma grammaire. Et c'est pas lui qui compte. Mmh. Ce qui compte, c'est les millions de gens à qui on a dit pendant 10 ans Mélenchon vous propose de faire l'Union soviétique avec la planification, et maintenant tout le monde est d'accord pour planifier la bifurcation écologique. Ça, c'est une victoire de ma part, et de mes amis surtout, parce que eux qui ont fait le boulot. Mais quand je l'écoute, donc je me dis, au moins ça a avancé. Et puis après, je me dis, mais qui va convaincre comme ça? Les gens se disent, mais c'est un batteur d'estrade, il n'y croit pas, il n'a pas compris, parce qu'il devrait dire immédiatement, écoutez, j'ai reçu le message... Donc je vais interdire les pesticides en France dans un an. Pourquoi ? Pourquoi je dis les pesticides ? Parce que, d'abord, on discute de ce sujet depuis un moment, et puis parce que 99% des rivières sont infectées, 90% des Français en ont dans leurs urines, et j'ai été le premier en janvier dernier à dire, attention, quand les pesticides que vous connaissez, le glyphosate, se décomposent, laissez-moi finir, constituent des corps qui sont dangereux. Vous avez 13 communes dans le Jura, sur le premier plateau, c'est mon petit pays, 13 communes qui ne peuvent plus prendre l'eau parce qu'elle n'est plus potable à cause de ces corps décomposés du pesticide. La crise de l'eau et la crise des pesticides est commencée. Vous en avez entendu parler dans cette campagne ? Non. De la même manière, il y a 4 réacteurs de plus nucléaires qui sont mis à l'arrêt parce qu'il y a des problèmes de corrosion. Vous en entendez parler ? Non. Le SMIC, j'ai parlé de l'urgence sociale, pardon de vous dire tout ça. Je m'en vais 8 jours... En 8 jours, tous les thèmes ont disparu. De quoi il parle à nouveau ? Du voile, de je sais pas quoi, et toutes ces bêtises qui nous ridiculiseraient aux yeux du monde. Donc je reviens pour dire, les vrais sujets, c'est la paye, l'hôpital, la santé. S'il avait compris le problème de la malbouffe, qui nous coûte des milliards, 50 milliards par an, dans leur deuxième tour, il serait en train d'en parler en disant, on n'a pas retenu que le mot, on a retenu l'idée de Mélenchon, donc on va se battre contre la malbouffe, on va donc arrêter de mettre du sucre partout, du sel partout, etc. Rien de tout ça n'apparaît. On a l'impression que c'est en deuxième tour, si vous voulez, on dit des mots, et puis tout ça n'a pas vraiment... Donc c'est un effet d'annonce, pour vous, cette histoire de planification écologique. Non, il va le faire sans doute, peut-être, s'il est élu. Je ne sais pas s'il le fera. Il a déjà nommé un commissaire au plan, Monsieur Bérou, qui est un homme tout à fait estimable. Mais on se demande celui-là où il est passé, puisque normalement il y en a déjà un pour s'occuper du plan. C'est peut-être lui qui va devenir Premier ministre. C'est peut-être ça que nous annonce Monsieur Macron s'il est réélu. Mais tous, on se regarde, vous aussi, Monsieur Toussaint. Ne vous faites pas plus brave que vous êtes. Quand vous avez entendu ça, vous dites mais ah bon, et comment il compte faire? Alors vous en avez un qui paraît-il va planifier le territoire, et l'autre qui va planifier je ne sais quoi. Bon, tout ça m'a l'air d'être de l'improvisation. Et vous avez même vu que pour le chiffrage de son programme, hein, Monsieur Macron, il se fait rhabiller par l'Institut Montaigne, qui dit mais ça va pas, les comptes tombent pas, ça correspond pas à ce qu'il dit. Le même Institut Montaigne, qui désapprouve complètement mon plan, avait dit ben il est correctement chiffré. Et vous savez que nous avons pris, nous, pour chiffrer notre plan, la matrice économique de la Banque de France. Donc on peut pas faire mieux. Vous avez pas le sentiment, comme moi, que tout ça est improvisé? Ces gens disent ce que les gens... Regardez Madame Le Pen. Elle dit « Ah non, non, le voile, ça, c'est pas l'urgent ». Un jour après, passe Monsieur Bardella, qui dit le contraire. « Non, on va le faire ». Alors, il faudrait savoir. Et les gens, quand ils m'entendent... J'ai vu que vous souriez quand je vous disais « Je suis candidat, je demande aux Français de m'élire Premier ministre ». Mais je leur dis « Vous voulez quoi, alors, Monsieur Bardella, Premier ministre? Vous voulez Monsieur Darmanin, Premier ministre ?» Alors, qui a ramené l'extrême droite dans ce pays, si ce n'est pas Monsieur Darmanin en disant à Madame Le Pen qu'elle était trop molle? Vous vous en souvenez de ça? La victoire de Marine Le Pen est-elle possible? Et pour compléter ma question, est-ce que le vote blanc, qui est retenu par beaucoup de vos électeurs, il risque pas de favoriser Madame Le Pen? Ah, dites-le leur. Faites une émission, ça changera. On va faire une émission pour dire aux gens votez. Vous savez que le gouvernement n'a même pas fait campagne pour inscrire les gens. Je vous demande une analyse politique, je vous demande pas de me dire... Monsieur Toussaint, vous pouvez passer par la fenêtre, par la cheminée, par la porte, je ne vous dirai rien de plus que ce que je vous ai dit. Si des gens choisissent de voter blanc ou de s'abstenir, ils en ont le droit. Vous pourrez vivre avec. Mais tout le monde vivra avec, vous aussi, Monsieur Toussaint. Et ce n'est pas en tordant les bras que vous allez obtenir un autre résultat. Je vous le redis, si vous ne faites pas confiance à l'intelligence des gens, si vous ne vous adressez pas d'abord à leur sensibilité et à leur raisonnement, vous perdez votre temps. Les Français ne sont pas un troupeau que l'on mène comme ça au sifflet. Figurez-vous que les gens sont traumatisés par le résultat du premier tour. Jean-Luc Mélenchon, on va écouter ensemble quelqu'un pour qui je suis sûr que vous avez un immense respect, c'est Robert Badinter. Mmh. Il se trouve que je l'ai interviewé aujourd'hui, et qu'il parle de vous et précisément de cette fameuse consigne de vote. Alors on va écouter ensemble l'ancien garde des Sceaux et évidemment on réagira juste après. Jean-Luc Mélenchon n'incarne pas votre gauche. Il a du talent, mais il y a des moments où les choix sont décisifs pour celui qui les énonce aussi. J'aurais aimé face aux chiffres faits par Madame Le Pen et Monsieur Zemmour, que face à ces résultats, il appelle à voter Macron. Répéter trois fois de suite la même chose, ne votez pas pour Madame Le Pen, j'aurais préféré qu'il dise beaucoup plus clairement, pour battre Madame Le Pen, il faut voter Macron. Enfin, il a appelé à voter Macron au premier tour, il vote Macron au deuxième tour, c'est normal. C'est, si on en est au chapitre des regrets, je lui dirais que pour lui, un homme de gauche, si au lieu de voter Macron, il avait voté pour moi, il aurait contribué efficacement à éliminer Madame Le Pen. Donc bon, c'est normal, j'ai du respect pour Robert Badinter, j'ai eu le bonheur de militer au Sénat en même temps que lui, on n'a pas toujours été d'accord, mais c'est une figure qui a compté dans la gauche, mais qui n'est plus entendue peut-être parce qu'il est devenu macroniste, et la gauche c'est pas Macron. Alors la suite, maintenant... Est-ce que vous vous imaginez que dans ce grand bloc que vous appelez de vos vœux, eh bien d'autres forces politiques pourraient vous rejoindre? Je pense aux écologistes, par exemple. Oui, pas que d'ailleurs. Évidemment, d'abord la situation est entièrement nouvelle. Une fois je suis arrivé en tête, en 2017, on a pu se dire c'est un accident de l'histoire. Deux fois, non. Ça porte un sens. Et le sens, je l'ai dit, c'est celui de la rupture avec cet ordre du monde. Et la France peut jouer un très grand rôle. Voilà. Donc, j'incarne trois ruptures en un programme. La rupture sociale, on distribue. La rupture écologique, on fait face et on fait la planification écologique. Et la rupture démocratique, on passe à la 6e République avec ce que vous savez. Ce sont trois thèses qui sont sur la table depuis donc trois élections. J'ai été placé en tête dans des conditions telles que le sens politique ne doit pas être dilué, parce que je sais qu'il y en a d'abord les sondeurs qui se sont plantés lamentablement, donc il faut qu'ils trouvent une excuse. Et je leur reproche, pas tous, parce qu'ils tiennent pas tous le même discours, de pas parler de vote utile, mais de vote futile, c'est-à-dire des gens qui, au dernier moment, ne sachant que faire, choisissent n'importe quoi. Bon, alors peut-être qu'il y en a comme ça, hein. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, le gros bataillon, et c'est moi d'ailleurs qui marche en tête, l'avenir en commun, 80% de gens convaincus par le programme. Bon, donc ma situation est une responsabilité nouvelle. 31% chez les 18-24 ans, 34% chez les 25-34 ans. Vos électeurs d'ailleurs sont plutôt citadins ou habitent en banlieue et sont des foyers modestes souvent aussi. 31% parmi les personnes qui gagnent moins de 900 euros. L'électorat Mélenchon. Oui, ça me fait devoir. Je pense que nous avons réussi la première et la plus importante partie de ce qu'il y avait à faire après que le Parti Socialiste de François Hollande ait détruit la gauche en France. Et la gauche, c'est une étiquette. Ce qui compte, c'est le contenu. Donc nous avons fait la première grande partie avant l'accession au pouvoir pour développer un programme de rupture. On a rassemblé et on a créé en quelque sorte une diagonale. Ça va du plus pauvre aux très sachants des villes. Et donc, les très hauts niveaux de diplôme et ceux qui n'ont pas de diplôme. Ceux qui habitent en ville et ceux qui habitent aussi dans les zones périurbaines et dans la profondeur du pays. Et là... C'est ça qui est très intéressant, pardonnez-moi de vous couper. J'en prie. C'est très intéressant d'analyser votre électorat parce qu'on comprend beaucoup de choses. Mais c'est vrai que la France rurale n'a pas voté pour vous massivement. Elle vote plutôt Marine Le Pen, d'ailleurs. Les oubliés du progrès, j'allais dire ceux qui prennent leur voiture diesel pour aller bosser, et qui galèrent aussi, d'ailleurs. La France périphérique, la fameuse France périphérique. Donc ça, c'est une partie, pourtant, d'un électorat que vous pourriez séduire. Et ça finira par arriver. Je ne les séduirai pas. Je les convaincrai. Je les convaincrai de ne pas aller baiser la main qui les frappe. Parce que vous avez donné des statistiques tout à l'heure qui sont très flatteuses, qui situent l'Union populaire dans son camp populaire, mais ça en fait quand même beaucoup, qui votent pour autre chose. Oui. Et ça a toujours été comme ça. Oui. Moi, je suis militant depuis assez longtemps pour vous dire que c'est pas la première fois que je vois des gens voter contre leur intérêt. Et donc, le travail politique qui est le nôtre, c'est de convaincre, d'ancrer, d'enraciner. Mais je viens sur cette France... en effet, je n'ai pas fait 100% des voix, monsieur Toussaint. Je m'inquiéterais si je faisais 100%. Mais la question initiale, c'est avec qui vous pourriez travailler. Oui, mais c'est vous qui m'avez amené à la France. Absolument, c'est moi qui viens. Laissez-moi juste terminer là. Bon, il y a toujours eu une France rurale qui votait à droite. Bon, elle vote à extrême droite, bon, elle a évolué. Mais il y a aussi une France, pardon, je ne voudrais pas qu'on confonde ruralité et extrême droite. Parce que ça serait une lourde erreur. Si vous regardez la carte de France, vous avez un arc qui va d'est en ouest, de la frontière italienne à la frontière espagnole, et vous avez là beaucoup de secteurs où nous sommes majoritaires. Mmh. Qui est là? Eh bien, ce sont souvent des néo-ruraux, on appelle ça comme ça, des gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans. C'est là que se trouve concentré beaucoup de l'agriculture bio, c'est-à-dire la fraction de la paysannerie la plus avancée dans sa compréhension du rapport à la nature et de sa responsabilité, ainsi que des gens qui sont les plus directes victimes du « il n'y a plus rien ». Allez dans les Alpes de Haute-Provence et vous allez voir ce que c'est que la liaison entre deux villages. Donc, on est allés ensemble. Oui, pour une grande émission. Bien sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous avons bien avancé. Il reste beaucoup de travail à faire et à convaincre. Nous le ferons. J'en viens maintenant aux forces politiques, puisque c'était votre question. Merci. La situation... Ah oui, mais c'est vous qui êtes venu sur autre chose. Moi, je vous suis, monsieur. Allez, il faut bien que quelqu'un mène le bal ici. Hein. Allez-y, oui, je prends le pouvoir. Hein. Ça m'étonnerait pas de vous. Allez-y. Vous n'avez pas tort, parce que tous les deux, ça nous est déjà arrivé une fois ou l'autre, de plus savoir qui c'est qui posait des questions à l'autre. Bon, alors, donc, voyons ces forces. On va essayer de finir tranquillement. Ma responsabilité politique est différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a 8 jours ou il y a 15 jours. Mon devoir, je vous l'ai dit, aussi bien pour ce qui est du vote du deuxième tour que du rapport aux autres forces politiques. Mon devoir, c'est unir, empêcher qu'on se divise, unir et aller plus loin. Je ne dis pas que ça m'amène beaucoup plus loin, l'addition des suffrages, des écolos, des communistes, qui ai-je oublié, des socialistes, et pourquoi pas Monsieur Lassalle, qui fait plus que les socialistes et les communistes, pourquoi cet homme aurait-il disparu du paysage, hein? Vous pourriez travailler avec lui. Mais si Monsieur Lassalle, ayant lu le programme de l'Union Populaire, considère que tout bien pesé, c'est celui qui est le moins éloigné de lui, évidemment, il serait le bienvenu. C'est le programme qui fait tout. Je ne peux pas convaincre des gens, Monsieur Toussaint, pardon, je me répète, je ne peux pas convaincre, si je vais voir un électricien et que je lui dis, écoutez, j'ai discuté avec les écolos, finalement on est tombé d'accord. Sur quoi? Bon, on verra. Et il va me dire, mais monsieur, les écolos ont voté pour la libéralisation de l'énergie. Je suis électricien, vous me demandez d'aller avec... Bah, donc nous devons régler les questions de programme pour convaincre, unir et entraîner. Il n'y a pas d'exclusive. Bon. J'ai pris l'exemple de Monsieur Lassalle, mais je vais aller loin. Si, alors, pour être franc, déjà les contacts existent. Pour être encore plus franc, vous parlez avec les... Mais ils n'ont jamais cessé. Ce sont des contacts informels. Alors évidemment, il y a des moments où, franchement, la situation... Donc l'idée, c'est, juste pour que je comprenne bien, c'est qu'il y ait une seule étiquette. Alors nous partageons. Pour cette, mais vous m'avez compris. Pour ces législatives. C'est-à-dire que, d'abord, il y a un fait électoral. Une stratégie a fait la preuve de son efficacité. Ce que nous mettons en partage, c'est une stratégie. Il y a le logo qui va avec, on ne va pas le changer alors qu'on a 2 mois devant nous. Bon, et le programme qui a été porté en tête est la base sur laquelle on discute. Alors, on ne va pas non plus tout mettre comme ça à l'encan ou en référendum. Donc, discutons sérieusement, déconstruisons là où il y a un point où on dit il y a un désaccord, regardons pourquoi. Est-ce qu'il existe vraiment un désaccord ou c'était du pipeau électoral? S'il y a un désaccord, bon, est-ce qu'il est surmontable? Est-ce qu'il n'est pas surmontable? Bon, si on me dit, ah ben non, on ne veut pas entendre parler de 6ème République, ah le nucléaire, alors là, il n'y en a absolument pas question. Si tout, il n'y a pas question, alors non. Autrement dit, et pour me résumer, nous ne proposons pas un accord électoral, nous proposons un accord stratégique, qui devient un accord électoral. Mais on ne fait pas un accord électoral, ce n'est pas la lutte des places, c'est la lutte de classe qu'il s'agit d'organiser. Alors, je m'excuse du caractère peut-être un peu brutal de cette formule, mais au moins tout le monde comprend. Il nous reste quelques minutes, Jean-Luc Mélenchon. Je résume. Ça fait presque une heure que nous sommes ensemble. Ah oui, c'est parce que vous avez passé 2 heures à essayer de me faire dire vous quelque chose. Vous poursuivez votre combat politique. Oui. Oui. Ah oui, oui, jusqu'à mon dernier souffle, dans une fonction ou dans une autre. Ouais. Vous avez 60... Et là, j'ai un objectif de combat que je propose à tout le monde. Vous mènerez la bataille des législatives, même si vous n'êtes pas sûr d'être candidat à ce jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une candidature en 2027 n'est pas exclue? Ah non, non, non. Non, non, ça c'est pas... Vous êtes vraiment terrifiant, vous. Hein. Ouais, et, puis attendez, puis 5 ans après, il y a 2032. Non, non, mais attendez, non. Non. On se pose. Non. Mais je peux vous répondre modestement que, à l'heure et au jour où je vous parle, je ne crois pas à ça. J'ai beaucoup travaillé avec d'autres, et il y a une très belle équipe qui est là, et qui est capable de continuer ce combat et de l'amener jusqu'à la victoire. J'espère l'amener à la victoire aux prochaines législatives. Mais je vous l'ai dit, le fleuve continuera toujours à aller à la mer. Et nous continuerons à être l'incarnation de l'insoumission, du refus de ce monde injuste et dégoûtant, pour une autre manière de vivre et de vivre tous ensemble avec la nature. Donc votre excusez-moi, mais encore une fois, je voudrais préciser les choses. Votre j'ai l'impression que vous sous-estimez l'intelligence de des gens qui vous écoutent. Surtout pas. Ah, il vaut mieux pas. Hein. Vous poursuivez votre combat politique, mais pour ce qui est de la présidentielle, c'était le dernier combat. Ah ben, vaudrait mieux quand même, hein. Ça serait pas une... Vous savez, tiens, je vais prendre un exemple clérical. Le pape de l'an 1000 a fait une formule formidable. Il a dit, le triomphe du disciple est la gloire du maître. Eh bien, moi, je n'aurais pas de plus grand bonheur que de voir que tout ça a été porté jusqu'au point où nous incarnons cette idée d'un changement. Vous savez que dans le monde entier, on nous écrit, on nous envoie des messages. Comment vous avez fait? Comment on s'y prend? Partout, ils ont cru aux salades du centre-gauche. Partout, ils ont détruit tous les outils qu'avait donné un siècle de lutte syndicale et associative. Je vais vous dire, monsieur Toussaint, mon ambition politique, hein, pas personnelle, ça serait que non seulement on arrive à faire une union populaire là, parce qu'on est à la tâche, mais j'aimerais qu'on arrive à construire un front populaire, c'est-à-dire dans lequel il y aurait aussi des organisations syndicales qui soutiendraient à leur manière, des associations, c'est-à-dire que le programme, l'avenir en commun, il n'a de sens que porté par tout un peuple. Et je n'ai pas d'autre solution, quand vous avez 3 blocs égaux, que de dire au 4e, qui n'a pas choisi, mais choisissez, aidez-nous, si vous nous aidez, on change tout. Eh bien, je crois que cet enthousiasme, il peut être contagieux. Donc la gauche n'est pas morte. Alors la gauche est, bien sûr, moi je suis un homme de gauche, je viens de la gauche, je vais pas vous raconter d'histoire. Vous savez comme moi que la gauche, ça commence le jour où on dit « Est-ce que le roi a le droit de veto ?» Alors, ils avaient trouvé, c'est des gros malins comme maintenant, vous savez. Pour forcer et tordre les bras aux gens, ils ont dit « Bon, à gauche, tous ceux qui veulent pas, pour dire vous êtes damnés, vous irez en enfer et le reste. » Et pas de peau pour eux, les gens se lèvent et ils étaient à gauche. Bon, donc depuis, la gauche a été le camp de la souveraineté du peuple par-dessus tout, et la droite a été, oui, un droit de veto, il y a le marché, il y a tout ce que vous voulez qui surplombe l'activité humaine. Ou alors, oui, cette grande fresque, elle continue, mais le mot a été tellement dégradé que j'ai dit aux gens, c'est pas que c'est dépassé, c'est laisser la terre en friche un moment. Et là, nous faisons l'union populaire. Donc moi, je ne demande pas... Si je viens vous voir tout à l'heure en privé, je ne vous demanderai pas ce que vous étiez avant, ni même si vous votez de droite ou de gauche, je vous dirai, est-ce que le programme vous convient? Et s'il vous convient, eh bien, bienvenue. Et bienvenue à tous ceux à qui ce programme convient. Alors, ça veut dire tout le monde. S'il y a des socialistes... Non mais, soyons clairs. Même les socialistes? Mais s'il y a des socialistes qui disent, écoutez, ok, on a compris la leçon cette fois-ci, et on est d'accord, on part du programme... on est d'accord, la stratégie de l'Union populaire. On est d'accord, le camarade Mélenchon sera le premier ministre si nous gagnons. Eh ben, tout va bien. Vous pouvez. Mais si vous voulez pas, essayez pas de m'entourlouper. Essayez pas de me faire dire des choses que je ne veux pas. Et ça vaut pour le NPA. Et ça vaut pour tous. Et ça vaut pour Monsieur Lassalle. Tous ceux qui veulent participer à la victoire du programme L'Avenir en commun sont les bienvenus. Mais il faut bien qu'ils réfléchissent. Parce que après, si on gagne, on l'appliquera. Et ça sera plus le moment de discuter. Ça sera le moment de mettre en route, de mobiliser. Et j'aime mieux vous dire que pour faire la transition écologique, la bifurcation écologique, il suffit pas de nommer un gars à la responsabilité. Hein. Il va falloir tout changer. Ça fait du boulot. Dernière question, demain soir, vous regardez le... Ah ben, comme tout le monde. Ah oui. Ah ben, bien sûr, je vais regarder. Oui, vous boudez pas. Non, non, nullement, non. Moi, je suis un... Bien, écoutez, c'est une démocratie. Alors, à moi de... C'est ça que me demandent les gens. Vous, que vous n'ayez pas d'idée sur le sujet, ça se comprend. Vous êtes journaliste, pas dirigeant politique. Mais moi, c'est mon boulot. Je suis là pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Jean-Luc? Bah, qu'est-ce qu'on fait? Le lendemain matin, ils me demandaient ça. Eh ben, alors, je leur dis, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de gagner. Puisqu'on a une possibilité. Il y a un troisième tour. Mais vous en attendez quoi de ce débat? Alors, bon. Ah ben, si, parce que vous rêviez d'y être, j'imagine. Bon, c'est pas le débat dont je rêvais, c'est de l'exercice qui suivait. C'était une première étape. J'avais prévu beaucoup de choses déjà de faire, vous savez que... Vous aviez déjà prévu anticiper le débat? Ah ben oui, tout ce qu'il fallait. Ah oui, avec lui. Oui, mais lui, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce que vous auriez dit? Avec le débat, bah, d'abord j'aurais amené mes problèmes, il aurait été obligé d'en parler. Je lui dis, alors on augmente le SMIC, il faudra bien qu'ils disent oui ou non. Hein. Allez, 1400 euros net pour tout le monde. Deuxio, les étudiants, ils étudient et on les paye pour ça, et ainsi de suite. Et la transition et tout le reste. Voilà, voilà ce que j'aurais mis sur la table. Vous avez vu, je m'en vais une semaine, ils parlent d'autre chose. Donc je reviens ce soir chez vous pour leur dire, écoutez les gens, ils n'en peuvent plus, ils ont besoin de sous pour bouquer la fin du mois et le reste. C'est une langue belle avec des mots superbes qui portent son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont Saint-Michel jusqu'à la contrescarpe. En écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe, qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau, les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières, elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même au torrent qui charrie du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde. Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan, elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son nid pour